Le nouveau morceau de Bob Sinclair dans le Before Party Fun sur Fun Radio. Demain à 19h, Lost Frequencies sera avec nous en direct. Et pour l'instant, 20h, le Doc et Karel pour Love in Fun. Bonsoir. Ouais, salut. Alors ça va, attendez, bien attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Adrien Thomas qui me fait des grands signes en studio. Il me dit hey, mon émission ce soir. Alors oui, parce qu'Adrien, il mixe le Before Party Fun à 19h. Ah, c'est vrai, mais il y a aussi à minuit Party Fun. Alors Adrien Thomas, ce soir à minuit, il y aura quoi? Eh bien, ce soir, il y aura Sam Felt et Luke and Steve, qu'on aime beaucoup. Il y aura le nouveau David Guetta, Would I Lie to You. Et puis, il y aura aussi Major Lazer, Justin Bieber, remix exclu de Cold Water. Voilà, donc là, je vais aller au sport, puisque Love in Fun, les docs nous diront qu'il faut faire du sport. Oui, bien sûr. Il y a Fun Radio dans la salle de sport, bien sûr. Alors, tu sais quoi? Non, j'ai une playlist Spotify où j'écoute un peu de tout dedans. Mmh. Voilà. Tu pourrais télécharger l'appli Fun Radio, Adrien. Mais je l'ai. Mais mais alors, je sais pas si... En faisant du sport, est-ce que écouter Lovin... Faudrait que j'essaye, tiens. Écouter Lovin Fun en faisant du sport. Ah bah, tu vas voir, tes performances vont être exceptionnelles. Je peux te le dire. Tester et approuver. Sans pompe. Sans pompe. Eh ben, c'est parti. Nous, on attaque Lovin Fun. Salut les mecs. Ciao. Bye. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Lovin Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue salut. Sur Fun Radio. Salut tout le monde. Bienvenue dans la Vin Fun. J'espère que vous allez bien. Ça caille hein, en ce moment là. Non, on commence à mettre. Il fait très chaud là. Oh non, dans le studio. Non, on passe notre. En ce moment, on passe notre journée à dire fait froid. Non mais c'est vrai. Parce que avant, il faisait chaud. Bah oui. En fait, il faut se plaindre, quoi. Il y en a plein qui sont malades en ce moment, Doc. Sans déconner. Il y a plein de virus, c'est rien, ça. C'est rien, mais quand t'as le nez qui coule, que t'as la crève, une petite déripette, comme on dit par chez moi, hein, ah oui. Eh ben, ça fait pas plaisir. Comment ça va, Doc? Bouge-toi si tu veux. Oui. Ça va très bien. Ça va très bien? Oui. Ah ben, on est content que ça aille bien. Je m'appelle Karel, y a Alice qui est là aussi. Hey, salut. Salut, Alice. Ça va? Pourquoi tu te marres? Pourquoi Cassim se marre? Cassim, il est débile. J'ai posé mon. Cassim, il s'éclate avec mon chewing-gum. Donc voilà, il est un peu bizarre. Elle me donne son chewing-gum et tu sais, elle me l'envoie. Genre, elle croit que je vais être dégoûté alors que moi je m'amuse avec. Oh, enfin voilà, bref, Cassim, elle est dégueulasse. Cassim, notre producteur, qui est le genre même de personne, quand vous lui donnez un chewing-gum déjà mâché, il va le remâcher derrière. Oui, c'est bon. Parce qu'il en a rien à foutre. Et même s'il est tombé par terre, il le prend, il le remet dans sa bouche. Le mec n'a vraiment aucune gêne. Godefroy est à la réalisation. Il est écolo, il fait des économies. Bah voilà, c'est ça. Godefroy à la réa. Godefroy a pété toute la journée, je tiens à le préciser. Je t'afficherai désormais, Godefroy, quand tu pèteras dans le bureau de l'émission. Je fais exprès en fait. Voilà, d'accord. Ok, pour qu'on parle de lui, ouais, bien sûr. C'est ça. Le mec, c'est devenu une star parce qu'il pétait. Hein, et bien sûr, Guillaume et Cindy qui vous attendent au standard. Hein, n'hésitez pas à nous appeler toute la soirée. On fait une vraie émission de libre antenne. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez vous lâcher, demander des conseils. Ah oui. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. Tous les soirs, c'est un petit peu notre petit rituel. On accueille notre auditeur du soir qui a passé toute la soirée avec nous pendant 2 heures. C'est Romain. 16 ans de Cahors. Bonsoir Romain. Salut. Bonsoir Romain. Toute l'équipe. Salut Romain. Ouais, très content de t'avoir sur Fun Radio, Romain. Je t'ai appelé cet après-midi. Hein. Ouais. Hein, je t'ai posé des petites questions et tout pour savoir si t'étais chaud pour ce soir. Tu m'as dit que t'étais un fidèle auditeur. Ah ouais, fidèle et tout, hyper chaud pour passer 2 heures avec vous. On va te tester. Qu'est-ce qui va se passer dans l'émission ce soir? Qu'est-ce qu'il y a par exemple des fois Alors il y a le défi FIFA et pas demander. Ouais, ça ce sera tout à l'heure. Ouais, avec FIFA 17 à gagner. Le chiffre d'Alice. Ouais, bah bravo, putain. Et on parlera de quoi ce soir dans ton chiffre, Alice? On va parler des personnes. Bah non, tu ne sais pas, Romain encore, forcément, on t'a pas savoir. Tout dit. On va parler des personnes qui utilisent des objets du quotidien comme sextoy. Et ouais. On vous offrira d'ailleurs des sextoys Lelo. Et ouais. Ça date de la préhistoire. Et ouais. On va en parler d'ailleurs. Si jamais vous êtes urgentiste, ambulancier, vous êtes pompier, il vous est déjà arrivé de tomber sur une situation un peu cocasse, hein, parce que il paraît qu'il y a des gens qui se mettent des choses étranges dans les différents bien sûr, orifices. On trouve ça dans les urgences des hôpitaux quelquefois. Oui. Des tours Eiffel par exemple. Oui, ça j'ai déjà vu des images radiologiques de ça. Oui. Les petites tours Eiffel, tu sais qu'on vend, hein, bah la tour Eiffel justement. Et ça rentre dans un sens, mais ça ressort pas dans l'autre. Ah, ça c'est le problème. Hein. Venez nous raconter en tout cas. On s'amuse à tous les soirs tous ensemble. 01 42 48 5000 et on a Lucas. Lucas, il a 12 ans, il est de Dijon. Salut mon Lucas. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Oh, putain, le dragueur. Hein Lucas, tu veux que je te laisse tout seul avec Alice? Bah, avec plaisir. Eh ben voilà, vous êtes tous les deux. Salut Lucas. Salut Alice. Ah, il a vraiment une voix de petit lover. T'appelles pour quoi, Lucas? Alors, j'appelle pour savoir ça sert à quoi de faire l'amour. Ah. Au départ, ouais, je peux te répondre très clairement, à faire des enfants. À faire des enfants. Oui, mais à part à ça. Bah, c'est déjà la première part. Alors, il se trouve que faire des enfants donne du plaisir. Ah oui. D'une part, et c'est l'histoire aussi de deux personnes, c'est-à-dire de prendre du plaisir, un plaisir intime à deux. Mais le but de départ n'est pas le plaisir. C'est ça. Et après, ça peut être source d'épanouissement, voilà, de beaucoup de choses, et notamment au sein du couple. Ah, Lucas, comment on fait l'amour? J'ai oublié. Bah Alice, tu peux nous expliquer. Vas-y Alice, tu peux expliquer à Lucas comment on fait l'amour? Alors comment on fait l'amour? Déjà, il faut minimum être deux. Voilà. Ouais, donc c'est un minimum. Sinon ça s'appelle la masturbation. C'est ça. Pour faire l'amour et non pas uniquement faire quelque chose de sexuel, je pense qu'il faut beaucoup d'amour. Oui. Et un endroit sympa. Dire, bah, il y a ceux qui baisent et qui font l'amour. Voilà. Exactement. C'est vrai. Lucas, tu l'as jamais fait, toi? Bah peut-être bientôt avec Alice. Lucas, non, malheureusement. Écoute, là, t'es un petit peu jeune, non? T'as 12 ans, Lucas, sans déconner. Ouais. Ouais. J'ai plus de deux fois ton âge, quand même. D'une part, et d'autre part, en revanche, dans tes fantasmes, tu fais ce que tu veux. Ah oui, tu t'es déjà masturbé? Ouais, on pense à Alice. Oh. Et t'as vraiment... En fait, au début, c'était mignon, maintenant, t'as une voix qui devient un peu flippante, quand même. Lucas, 12 ans, et pervers. Grave. Non, elle est... Lucas, tu sais quoi? On va t'envoyer une photo dédicacée rien que d'Alice, d'accord? Oh, bah, c'est super, ça. Bah, ça, c'est bien. Dis donc, tu fais rien avec ton téléphone, hein? Pourquoi? Non, parce que tu me fais un peu peur. Hein, t'as pas sorti ton zizi? Oh non. Non. Ah, ouais. Il a quand même hésité avant de répondre, tu sais. Ouais. Le petit silence de trop. Lucas, je te fais une grosse bise. Tu veux passer une petite dédicace à tous tes potes? Ouais. À Alice. D'accord, ok. Bon, on a compris. Bisous, le message. Lucas, il a balle sur Alice. Tu sais quoi, Lucas, je vais te la repasser en antenne tout à l'heure, d'accord? Avec plaisir. Ah ouais. Ah, le beau gosse de 12 ans, quoi. Avec sa voix de lover et tout. C'est un futur doc, ça, hein, j'ai l'impression. Hein, et il sait bien utiliser sa voix. Hein. J'utilise pas ça, moi. Oui, bien sûr, tu utilises ton organe. Hugo est avec nous, il a 16 ans de Lyon. Salut, Hugo. Salut, Hugo. Salut à toi, Hugo. Bienvenue dans le VinFun. T'appelles pourquoi, Hugo? Alors, moi, j'ai un petit problème, en fait. Ouais, vas-y, raconte. Moi, je suis de Lyon et en fait, je me promenais à Confluence. Et en fait, j'ai cramé la meuf de mon meilleur ami qui était avec un autre mec, mais je sais pas qui c'est, en fait. D'accord, putain, et tu sais même pas si tu dois en parler à ton pote ou pas, quoi. Bah non, c'est justement ça, en fait, le D'accord. problème. D'accord, on va en parler et on l'appellera si jamais t'as envie de le faire. On le fera ici tous ensemble, hein, sur Fun Radio. Vous restez bien avec nous, ça promet d'être chaud avec Hugo. Et voici The Chainsmokers. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop, no. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no car. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Seat of your lover that I know you can't afford. Bite that tattoo. shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room. And I can pull that we ain't ever getting older. Que j'aime, ce sont The Chainsmokers sur Fun Radio. Closer 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Radio. Et je salue tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui se branchent peut-être sur Fun Radio là ce soir dans Love in Fun, la première fois. Ils découvrent l'émission. Bah, venez goûter à Love in Fun, vous allez voir, c'est plutôt cool. Ici, vous pouvez tout dire, venir vous lâcher. C'est une vraie émission de libre antenne, mission différente. Hein. Ici, on se dit tout. 01 42 48 5000. On a Hugo qui est au téléphone avec nous. Il a 16 ans, il vient d'appeler. Il est de Lyon et il est dans la galère. Vas-y, Hugo. Raconte-nous, Hugo, qu'est-ce qui s'est passé là? Bah alors en fait c'est la meuf de mon meilleur pote. En fait je me baladais dans Confluence à Lyon, dans le centre commercial, et j'ai remarqué, enfin je l'ai croisée et j'ai vu qu'elle était avec un autre mec assez proche à première vue, mais je sais pas en fait si je dois lui en parler. C'est quoi assez proche? Parce... Ouais. Bah assez proche, c'est bah ils étaient enfin ils se parlaient mais proche quoi. Enfin je veux dire, ils étaient pas à 3 mètres l'un de l'autre quoi. Est-ce qu'il l'embrassait? Est-ce qu'il l'a prise dans les bras? Ouais. Enfin, tu vois quand même, faut pas. Des vrais signes. C'est peut-être un vrai copain, c'est peut-être son frère, j'en sais rien moi. Bah justement, c'est ça que je me pose comme question, et vu que je veux pas foutre la merde. Non mais bah oui, bien sûr, attends. Ouais. Attends, non mais sérieusement, tu les as vus se rouler une pelle ou pas? Non. Ils se tenaient la main? Non, le mec la tenait par la taille. Ah, quand même. Mais après, je sais pas. Mais alors, c'est ce qui est assez dingue, en fait, Hugo, est-ce que tu es en train de nous dire, c'est que, et parce que la question que tu te poses, c'est est-ce que je dois en parler à mon meilleur pote? Ouais. Moi, j'ai vécu la même situation la semaine dernière, quand j'ai vu Katoche avec un autre. J'ai vu la femme du doc. J'étais à Castorama. Je cherchais des outils de bricolage, et là j'ai vu Katoche. Katoche avec un autre homme, doc. Qu'est-ce qu'il est mytho. Et il se faisait des bisous, doc. Ouais, bien sûr, c'est ça. Oui. Doc, je voulais pas t'en parler. Doc. Ouais, bah tu peux m'en parler parce que c'est du bidon total ce que tu racontes. Écoute, quel mytho ce mec. Prends-le comme ça si tu veux, doc, mais moi ça m'a choqué. Tu vois, voilà, oui. Bon, je me sens... ça me choque pas parce que je suis sûr que c'est faux. Tu vois, Hugo, il faut faire comme moi. Tu vas te sentir libéré si tu dis tout. Toute la vérité. Ah, tu comprends? Je pense que je vais faire ça. Non, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, franchement, Alice? Y a pas de preuves là en plus. Bah, moi je lui dirais quand même, hein. Ah ouais? Ouais, je lui dirais quand même. D'ailleurs, j'ai lancé un petit sondage sur les réseaux sociaux. À mon avis, tu devrais lui dire. Il y a d'ailleurs Alexis qui te dit oui, il faut lui dire sans aucune hésitation. Guillaume qui dit si t'es vraiment un ami, il faut lui dire. Et Jérémy, non, occupe-toi de ton cul. Attends, mais bon, après ça dépend. Attends, vous êtes gentil. Lui dire quoi? Eh ben, lui dire qu'il a vu, voilà, mais sans avec un copain. Voilà, mais sans forcément lui dire ta meuf te trompe. Lui dire écoute, faut que je t'en parle. J'ai vu ta copine dans une situation un peu particulière. Elle faisait rien, mais c'était un mec que je connaissais pas. Ça m'a surpris. Voilà, donc parce que t'es mon pote, je préfère t'en parler. Je vais pas te tirer de conclusion, mais règle ça avec elle. Et puis ouais, voilà. C'est quoi. Ça. Oui, mais voilà, mais après, je sais pas, sa meuf aussi, c'est une pote à moi, je la connais bien. Parle avec elle d'abord. Bah oui, parle avec elle, c'est évident. Enfin, quoique, elle va peut-être embrouiller le cerveau après. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais de toute façon, il faut que t'en parles, évidemment. Bah, à mon avis, si je lui en parle, à mon avis, si c'est un nouveau mec, elle va pas me le dire. Non, c'est pour ça que tu peux aussi en toucher un mot à ton pote vite fait. Ouais, je veux dire, pas foutre la merde, quoi. Ouais, mais tu les as pas vus s'embrasser, donc là, non. Franchement, ça veut rien dire. Et hein. Oui, parle-en avec elle et tu verras bien en fonction de ce qu'elle te dit, quoi. Romain, notre auditeur. Si elle a un nouveau mec, ça va se voir vite. Ouais. Romain, notre auditeur du soir, qu'est-ce que tu ferais, toi? Franchement, tu vois un truc, c'est ton meilleur pote, tu lui dis ou pas?

Les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire. Les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Tous. J'ai commencé, je finirai tout seul. Ils font Zarma mais ils m'écoutent en douce. Bienvenue dans mon monde, tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's bad. À la base, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap c'est nous, on ne bouge pas. Ça tire mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. J'en mets le forum sur Bouska. The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières. Et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier. Ils sont pour tout bab. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque. Mais ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non messieurs, je ne suis pas un loupard. Mais Dawa dis-leur que quand on tire on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la folie poupa. J'sais que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début, ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé, Harry, oui c'est mon Broussa. On dit que je suis dans ma folie. Oh, oh. Oui, on dit que je suis dans ma folie. Il est fort Black M, hein, trop de talent. Hein. Extrait de son dernier album Éternel Insatisfait, Black M à Skip sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. On lit toute la soirée vos messages sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, le Snapchat pour nous ajouter sur Snapchat. Love in Fun Radio avec tous les jours une nouvelle story à mater. Des petits messages qu'on lit en direct avec Alice. Un message de Anil. Est-ce que c'est bien de se masturber avant de s'endormir? Ah ouais. Ah oui. Ah. Bah oui. Ça entraîne une somnolence chez certains, oui. Donc c'est ni bien ni pas bien, quoi. Voilà, c'est pas le problème, c'est pas un remède pour le sommeil. Voilà. Non mais c'est vrai que ça peut t'aider à t'endormir. Oui c'est ça oui. Non, mais j'ai aucun problème de sommeil moi perso. Ah bon. Et un autre message, parce que tu te masturbes avant? J'ai jamais dit ça, pourquoi? Comme ça pour savoir. Et un autre message de Max. Karel, je t'ai eu au téléphone hier sur Snap, c'était vraiment un kiff de te parler. Est-ce que t'en referas plus souvent? Ouais, alors par contre c'est un vrai bordel à gérer hein, parce que du coup tout le monde appelle en même temps. Mais on fait ça de temps en temps. Si vous nous ajoutez sur le Snapchat Love in Fun Radio, vous nous envoyez des petits snaps. Nous déjà on vous répond et puis on ouvre tous les snaps hein, ça nous paraît être la moindre des choses. Et on essaie de vous répondre un maximum. Et c'est vrai que parfois on peut même se parler. Donc on se fait des petites cams comme ça Pendant que nous on est dans le bureau tranquille, on vous parle. Exactement. Sur Snap. N'hésitez pas en tout cas le Snapchat Love in Fun Radio. On va retrouver Loïc, on va parler d'un sujet passionnant. Et d'ailleurs, on va apprendre des petites choses sur l'équipe. Je vous le dis direct. Loïc, t'as 23 ans, t'es à Paris. Bonsoir Loïc. Salut l'équipe. Salut à toi. Raconte-nous pourquoi t'appelles. Bah moi en fait, je voudrais des conseils parce que je voudrais essayer le naturisme en fait. Le naturisme, d'accord. Oui. C'est... Vas-y, dis-nous pourquoi t'as envie d'essayer ça. Bah je sais pas, comme ça, pour voir ce que c'est. Je vois beaucoup de plus en plus de gens qui le font. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. D'accord. Sachant que j'aime bien me promener léger, tout ça, donc... Me promener léger. Ah bah là, tu seras très très léger, hein, puisque t'auras exactement. Rien. Exactement. Il y a des endroits où ça se passe, hein. C'est simple, quand même. C'est pas interdit. Même si le maire de Paris voudrait qu'il y ait des endroits où les naturistes sont autorisés. Ça me fait plaisir, ça. Ça, il paraît que ça va se faire à Paris, ouais, j'ai entendu ça. Ouais. Ils vont vraiment le faire? Tu verras quand tu verras des gens à poil dans la capitale. Ah, putain, merde! Non, mais sans déconner. Non, mais tu vois un flic naturiste. Ah ouais, bah je pourrais, ça plutôt marrant. Qui va te mettre une brune? Bah oui, avec ses deux grosses boules. Hein. Non, mais il les met où ses menottes, Doc, du coup? Devine. Bah d'accord. Il est très mystérieux. Il est mystérieux. Non, on a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Godefroy, hein, qui est à la Réa, bien sûr, tous les soirs. Et alors, t'as habité au Cap d'Agde, toi, Godefroy? Ouais, c'est ça. Et donc, t'as bien sûr croisé des naturistes. Oh, plusieurs fois, oui. Parce que c'est très connu au Cap d'Agde. Il y a quoi? C'est une plage, c'est ça? En fait, ouais, c'est une plage pas privée, mais très à l'écart des autres, où l'entrée est payante. D'accord, faut payer déjà. Ouais. Et ensuite, c'est une sorte de village. Payer pour être à poil. Et pas mal, genre, ça. Genre, toi, t'y allais, t'allais mater, non? Non, alors moi, j'étais trop jeune pour y aller. Ah, d'accord. Mais mon père, il a travaillé, enfin, pour son travail, il y allait. D'accord. Il lui arrivait quelques trucs, ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Vas-y, raconte. En fait, il réparait des machines chez les boulangers et une fois, il était sous une machine. Ouais. Et il s'est retrouvé sous les roues. C'est ça. Ah oui. Ah, mais ça peut être un peu choquant, hein, pour le coup. Ah bah, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pareil quand tu vas faire tes achats, où est-ce que tu mets ton porte-monnaie? Bah, c'est ça. Tu payes pas. Bah, t'as une petite sacoche. Je pense qu'ils ont une petite sacoche. Ah ouais, tout dedans. La banane. Ça doit être très comique à voir. Loïc, on a beaucoup de réactions. Il y a des naturistes qui nous ont appelé. C'est une vraie philosophie de vie. Teddy est avec nous. Il a 24 ans. Il est de. Oula, Teddy! Oui. Teddy, tu l'as mis où ton téléphone? Là, tu me fais peur. Ah, il est là. D'accord. Teddy, tu es nul actuellement? Non. Non, il fait trop froid. T'as 24 ans et t'es à Vannes, toi, Teddy. Est-ce que tu pratiques le naturisme? Ah oui. D'accord. Oui, depuis maintenant 3 ans. Ouais. D'accord. Et alors, ouais, donc c'est assez soudain finalement. T'as commencé à 21 ans. Comme... Bah, je me suis posé la question, bah, comme c'est ici ce soir, hein, comme le monsieur ce soir. Je me suis posé la question pendant un petit moment et puis bah, au final, j'ai adoré ça. Je me suis lancé et puis depuis, je ne parlais même plus de plage difficile. Mais c'est quoi pour toi? Bah, en fait, c'est un plaisir, en fait. Et le plaisir de se sentir nu, c'est... Mais t'aimes bien qu'on te regarde ou c'est simplement le fait d'être... Ah, non, il n'y a personne qui te regarde. Ah, oui, c'est ça, en fait, ce qui t'explique, c'est voilà. Les naturistes. On te mate pas, en fait. Ah, non, on te mate pas du tout. C'est bien, en fait. Mais la première fois, franchement, Teddy, tu te retrouves à poil. Tu vois, enfin, moi, enfin, voilà, tu croises une nana, elle est super jolie, tu la trouves très attirante. Enfin, je veux dire, la réaction au doc, c'est qu'on bande. Enfin, je veux dire. Je vais te dire, je pense que la nudité n'est pas très érotique. Ouais. En revanche, habillé, certaines tenues qui suggèrent le sexe. Et il dit ça en regardant Alice, j'adore. Qui suggèrent le sexe sont beaucoup plus érotiques que la nudité qui, dans certains cas, faut bien reconnaître, quand même pas très alléchante, quoi. Enfin, ouais, voilà. Enfin bon... Ah bah attends, ah bah oui. Excuse-moi, bon... Bah oui, enfin bon, si t'es une nana, t'es plutôt jeune, plutôt bien foutue, ça reste très attirant. Mais t'as pas que ça. Oui, ouais, mais bien sûr, si c'est mamie qui a 75 ans... Ouais. Tu te déplaces pas, tu cherches pas à séduire. Je pense que c'est ouais, aussi voilà, ça c'est qui ça. Fait que bah, forcément, tu cherches pas à plaire, tu cherches pas à séduire, tu cherches pas non plus à mettre ton corps en valeur. De toute façon, t'es à poil. Donc, et dans l'érotisme, on est habitué aux vêtements. C'est justement suggérer la nudité est beaucoup plus érotique que de la voir en face. En fait, il y a pas de sous-entendu, t'es dit, c'est ça, c'est... Non, après, tu peux séduire, il y a moyen de séduire. La première fois que je suis allé, je m'en suis très bien sorti. Après, le truc, c'est que comment faut se lancer. Faut se lancer et après, c'est un vrai plaisir. D'accord. Il y a pas différents camps nudistes? Il y a genre les camps nudistes pacifiques et les camps nudistes qui niquent? Bah après, t'en as qui niquent aussi, oui. Mais après, ça, c'est un... Non, mais attends... On peut appeler ça un manque de respect un peu vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'il y a des... Dans les camps nudistes, il y a des gens qui font l'amour devant tout le monde. Après, les camps, moi, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'en voir. Godefroy, c'est surtout les plages que je côtoie, moi. Godefroy, t'es au Cap d'Agde, il y a la baie des cochons, non? C'est ça, la baie des cochons, dans les dunes, sur la plage, voilà quoi. Ah, et d'accord. Ça se fait en groupe, hein. D'accord. Ah oui, comment ils disent ça? Ça se fait en groupe, hein. Ah, moi, j'ai ramené tous mes potes, hein. Ça vient de là, sa passion pour les jumelles. Ouais. Il se travaille toujours avec des jumelles, le mec. Je comprenais pas, mais bien sûr. Il a les yeux tout rouges, d'ailleurs. Ouais, ouais. Non, mais ça m'étonne pas, hein. Ça, c'est parce qu'il est complètement drogué, Doc. On a Mathieu qui est avec nous. Mathieu de Bordeaux, bonsoir Mathieu. Salut, oui, Mathieu. Salut Mathieu, tu pratiques le naturisme? Oui, depuis pas mal de temps, ouais. D'où te vient cette passion? Non, mais c'est parce que c'est peut-être la dernière forme un peu ultime de liberté. On se pose pas trop de questions, qu'on soit gros, grand, moche, vieux, petit, grand, on fait le truc et puis voilà. On se regarde pas, c'est sympathique. Ça doit être assez dingue comme sentiment. Ouais. Bah, je sais pas si on peut parler de liberté dans ce cas-là. Enfin bon, tu fais ce que tu veux. Pourquoi pas? Oui, bon, il y a aussi le fait de d'imposer sa nudité aux autres. Alors, et ceux qui acceptent pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une liberté, non? Pourquoi pas sûr? Mais si. Mais attends, moi, je suis libre de m'habiller comme je veux. Je suis libre de mettre plus ou moins de vêtements. Ah, je sais pas, la liberté, elle est très personnelle dans ce domaine. Alors, tu es aussi libre. Tu as autant de liberté de t'habiller que moi de ne pas le faire. Et voilà, mais moi, je suis habillé, je suis libre. C'est ça que je veux te dire. J'ai la liberté de m'habiller. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on est habillé qu'on n'est pas libre. Voilà. Oui. Non, j'ai pas dit ça. Choisis sa liberté. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais alors, il y a deux choses. Vous avez parlé plusieurs choses. Le naturisme, le nudisme, c'est très différent. Le naturisme, souvent, ça se fait dans un centre. C'est des choses où, voilà, où les gens se regardent pas. C'est quand même assez traditionnel, assez tranquille. Après, le cap d'acte, c'est un autre truc. C'est un autre truc. Mais je veux dire, si on a envie de faire le truc, d'y aller, etc., et que j'entends Loïc qui a envie de le faire, ben je vais dire fais-le, vas-y, fais-le, fais le truc, peut-être dans des conditions un peu sympas, dans un centre où tu peux prendre ta tente, tu peux y aller un été, tu peux voir un peu comment tu sens. La première étape est pas facile. Après, c'est vrai que on se pose pas trop de questions, hein, franchement. Ouais, mais on doit vite s'y habituer, je pense. Oui, on s'y habitue vite parce que c'est naturel, parce qu'il y a personne qui vous regarde comment vous êtes, si vous êtes gros, petit, grand. Voilà, c'est le truc et on fait sa vie. Rassure-moi, il y a quand même des jeux de séduction parfois. Oui, il y a des jeux de séduction, mais comme dans la vie, comme dans la ville, comme ailleurs, pareil. Ouais, sauf que là, tu vois tout le matos avant même d'avoir dragué, quoi. Justement, ouais. On sait à qui on va faire, ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Carrément. Alors, dans l'équipe, il faut savoir, et on vient de l'apprendre, il y a quelqu'un qui a déjà fait du naturisme. Ah oui. C'est Guillaume au standard. Ah oui. Ah ouais, Guillaume. Oui, on n'était pas là pour le voir, quoi. Ah non, on n'a pas vu ton beau corps. C'était une après-midi. Hein. C'était de l'exhibitionnisme. Tu l'as fait une après-midi? Ouais. En fait, j'étais avec mes frères et mon meilleur pote. On était dans le sud, on se promenait le long des rochers pour aller sauter des falaises. Ouais. Et à un moment, on passe sur une plage et on se rend compte que tout le monde est à poil. Mais vraiment tout le monde. Et nous, on était comme quatre cons, habillés, avec nos petits sacs et tout. Et on nous regardait, évidemment. Donc on s'est dit, bon, attends, on va faire comme tout le monde. Donc du coup, on s'est mis à poil, on a traversé toute la plage à poil. Et après, on s'est senti bien, on a passé l'après-midi à poil, quoi. Ah, on n'a pas sauté que des falaises. Ouais, non, mon avis. Le connaissant, l'astico, ça a dû. Non, mais t'avais vu des nanas sympas et tout? Ah, bah, tu vois des trucs dégueulasses, hein, ça c'est clair. Ah, oui, d'accord, ok. D'accord, non, mais c'est ça aussi le naturisme. C'est pas là pour mater, c'est une vraie philosophie de vie. Enfin, voilà. Ah, oui, je pense que réellement, je veux dire, c'est contre-érotique, c'est évident. Bon, Loïc. La plupart du temps. Ouais. Loïc, on se lance, on se met à poil? Allez. Bah, écoute. Bah, vas-y, commence. Avec toi, Karel, alors. Eh ben allez, on y va. C'est parti. Mais allez, c'était on va ensemble. Mais d'ailleurs, Karel a déjà commencé à se déshabiller dans le studio. Franchement, moi, je pourrais pas. Je suis hyper pudique. Tu vois, je mettrais mal à l'aise tout le monde avec mon sexe. Tu vois, je peux pas. Il traînerait au sol, quelle horreur. Faudrait déjà qu'il le voit. Hein. Non, mais le truc, faut le dérouler, faut l'enrouler. Tu vois, à chaque fois, c'est chiant. C'est un micmac. Loïc, ouais. En tout cas, plein de petits conseils. Et comme l'a dit si bien Mathieu, pourquoi ne pas essayer? Tu verras bien si ça te plaît ou ça te plaît pas, quoi. D'accord? Oui, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Bah, tu reviens quand tu veux, Loïc. Ouais, merci beaucoup. Et n'hésite pas à nous rappeler pour venir nous raconter ton expérience, d'accord? Pas de soucis, merci beaucoup. Salut à toi et salut Mathieu et Teddy, hein, les deux réactions là, vous revenez quand vous voulez, on vous fait des gros bisous à tous les deux. On a Mélissa qui vient juste d'appeler là, 18 ans d'Angoulême. Salut Mélissa. Salut. C'est Love in Fun 01 42 48 5000. T'appelles pourquoi Mélissa? Parce qu'en fait, j'ai pas confiance en mon mec et j'aimerais savoir s'il est vraiment sincère envers moi. D'accord, ok. Tu veux qu'on fasse un sexy chocolat? Très bien. Eh ben écoute, on va essayer d'organiser ça. Alors dans un instant, on va l'appeler, lui proposer le chocolat érotique à offrir à la personne de son choix. Il doit te choisir, on saura ça après Lost Frequencies. Lost Frequencies, Beautiful Life. Please help me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. C'est Mélissa. Mélissa, ce soir, qui a besoin d'aide. Elle a 18 ans. Elle est d'Angoulême. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Salut, Mélissa. Salut. Raconte-nous, alors, pourquoi ce soir, tu as besoin de nous, là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, mon copain, il est à son lycée. Et des fois, le mercredi après-midi, en fait, il ne travaille jamais. Oui. Donc, des fois, je lui dis, bon, mais je viens te voir. Il me fait non, pas maintenant, je suis occupée. Je fais, bah, tu fais quoi? Je mange. Mais en fait, quand on l'écoute, il mange tout le temps. Ah oui, un gros mangeur. Donc, il a quel âge? Il a 16 ans et demi. Donc, il est chez ses parents? Oui, enfin, mais que le week-end. Hein. Ça fait combien de temps que tu as vécu? Ouais. Un mois. C'est le début. C'est récent. Ouais, mais... d'accord, vous avez. Justement, en fait, j'aimerais savoir si ça sert envers moi dès le début pour pas. Mais je sais pas, t'as l'impression qu'il est amoureux de toi, hein? Oui, mais en fait, j'ai l'impression et d'un côté, j'ai pas l'impression. D'accord, ok. Tu le vois souvent? Tous les week-ends. Ouais, d'accord. Et comment ça se passe? En fait, ça se passe bien, mais le problème, c'est qu'avec son frère, son grand frère de 24 ans et sa petite soeur de 10 ans, ils disputent. Et avec son grand frère, ça part en bagarre, du coup, il fait la gueule. D'accord, okay. Bon, moi, je pense qu'on ferait bien de l'appeler, tout simplement. Puis on va s'expliquer. Ça fait un mois, on va voir. Il va nous dire clairement, voilà, ça fait un mois que vous êtes ensemble. Est-ce qu'il y a des sentiments pour toi ou pas? Il peut mentir aussi. Non, je pense pas. Au bout d'un mois, si ça lui casse les pieds, il va le dire. Ouais. Je pense qu'il va te le dire carrément. Après, moi, je sais pas. Non, mais attends, il l'a trompé au bout d'un mois, ça veut dire qu'il part avec. Non, mais Doc, je sais pas si tu te souviens quand t'avais 16 ans, mais quand t'avais 16 ans et que ça faisait un mois que tu sortais avec une fille, enfin, pour moi, c'était mon record. C'est le record. Donc, justement, je pense qu'on sort de. On est proche de la porte de sortie et il faut l'appeler pour lui demander. Oh non, Doc, t'es en train de dire à Mélissa que c'est fini, là? C'est quand même bizarre qu'il veuille pas l'avoir plus que ça alors que c'est le tout début, quoi. Moi, je pense qu'il faut crever l'abcès, il faut l'appeler. On l'a. D'accord, Mélissa, ou pas? Ouais. On l'appelle. Bon, on va pas faire le sexy chocolat, on va l'appeler. Non, on va le dire carrément, oui. On y va. Puis, de toute façon, sexy chocolat, quand on le fait quand on a 16 ans, ça marche pas. Donc. Ouais. Je vais les garder pour lui. Il s'appelle comment? Dylan, d'accord. Allô Dylan? Ouais. Salut, ça va Dylan? Ça va bien, merci, vous. Tu m'as reconnu? Ouais. Ouais, c'est qui? C'est Guillaume. C'est pas Guillaume. T'étais dans une autre émission, tu sais. Ouais, mais je sais pas. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Ah d'accord, bonsoir. Guillaume, il est au standard. L'émission. Bonsoir à vous. Bonsoir Dylan. Tu sais pourquoi on t'appelle? Non, je sais pas. C'est la surprise. On t'appelle à propos de Mélissa. D'accord. Parce que, en fait, Mélissa, elle nous a dit qu'elle savait pas trop si, en ce moment... T'étais vraiment amoureux. Allô? Tu es parti? On est en contact avec... Ça me fait ça, moi aussi, des fois. On va raccrocher et rappeler. Bon, on va raccrocher, on va rappeler. On va rappeler. En tout cas, le mec est parti en live. Hein. Le mec a paniqué. Il a plongé dans son bocal. Putain, sans déconner. Je suis sûr qu'on est rentré dans une autre dimension ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ouais. Dylan. Oui, excusez-moi, j'ai une coupure de... On avait compris. Alors, tu as compris que Mélissa se pose des questions, savoir est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes pas, quelle est la nature de tes sentiments, qu'est-ce que tu veux exactement? Voilà la question de Mélissa. Écoutez, personne me dit ça. Dans le téléphone, Dylan, parle bien dans le téléphone. Là, vous m'entendez? Ouais, oui, un peu mieux. Vas-y. Écoutez, perso, Mélissa, je l'aime vraiment. Je suis vraiment sûr de mes sentiments. Et que de ce que j'ai envie avec Mélissa, c'est de faire ma vie, de construire un avenir. Et puis, surtout de fonder une famille. Une famille à 16 ans? Ah, dis donc. Mais non, mais ça non, peut... Non. Pas maintenant. Non, mais voilà, mais... Pas forcément à mes 16 ans, mais d'ici quelques années. C'est en décalage complet avec ce que nous a dit Mélissa. Mélissa, maintenant, tu vas t'expliquer. Parce que je trouve que, franchement... Il veut se marier, Mélissa. Tu te poses la question, visiblement, c'est une déclaration d'amour, c'est clair. Oui. Ben pourquoi ? T'as besoin de vérifier, c'est tout, quoi. Il veut 3 enfants, Mélissa. Bon, alors... Non. Mais Mélissa il est hyper amoureux, là. Tu peux lui parler, là. Oui. En fait, tu parles souvent de la famille, hein. De quoi ? Oh putain, il est sourd. Non, parle bien fort aussi, toi, Mélissa. D'accord. J'ai dit, tu parles souvent de la famille et tout, mais quand on est ensemble, tu parles pas beaucoup. Hein. Excuse-moi, les 3/4 du temps qu'on est au téléphone ou alors qu'on est ensemble, on en parle souvent. Donc. Ouais, mais quand t'es avec tes potes. En même temps aussi, on va dire que j'ai que 16 ans, donc on va dire que mes potes, ils n'ont pas forcément besoin d'être... Mais t'as pas l'air d'être tes potes Il te dit qu'il veut pas faire le canard. Ouais. Tu vois ce que ça veut dire, Mélissa? C'est ça qu'il est en train de te dire, il veut pas faire le canard. Oui, je comprends, mais... comment dire? Qu'il parle de fonder une famille, oui, mais qu'il me dise aussi des je t'aime et tout et tout. Je pense qu'il a compris. Mélissa, ça fait un mois que tu es avec elle, tu vas pas lui mettre la pression quand même, non ? Non. Il faut que tu apprennes à laisser les choses se mettre en place, non ? Parce qu'il a l'air à fond. Hein. Ouais. Hein ? Mélissa, t'es rassurée ? Oui. Il n'aime que toi pour l'instant. Heureusement. C'est pour toute la vie qu'il nous a dit. Par contre, est-ce que je peux dire un truc aussi ? Vas-y, Ilan. Parce que là, vous venez de dire que. J'aimais que Mélissa pour l'instant. Oui. Mais après, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, j'aimerais une autre personne qu'elle, mais sauf que cette autre personne, elle l'appellera maman. Donc, Tu l'appelleras maman. Donc, en fait, tu veux dire que Mélissa sera ta femme et que ta future femme, c'est un jour maman. Mais tu sais, ce sera maman pour les enfants, mais c'est jamais. Ça, c'est l'erreur dans les couples. A dit, elle l'appellera maman. Ah oui. Donc la fille appellera Mélissa maman. Mais il est trop con, il m'a fait flipper. Écoute. Voilà, en tout cas, voilà, c'est pas maman. Oh lolo. Préparez les bébés, là, hein, parce que là, j'ai l'impression peut-être un peu. Fait des malaises, alors là, il m'a fait flipper. Hein. Ah bon, Mélissa, calme-toi, tout va bien, il est amoureux de toi et il veut faire sa vie avec toi. Allez. La vie est belle ou pas, Mélissa? Ah oui. Tu fais des gros bisous à ton mec Dylan? Oui, tu fais des gros bisous, mais ça, il sait. Il a 16 ans et demi, mais il sait ce qu'il veut, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair chez lui. Hein. Bien sûr. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, il veut Ken. Il veut faire l'amour, lui, pour le coup. Il veut des enfants. Salut Dylan, salut Mélissa, salut les amours. Salut. Salut, ciao. Sans déconner, mais souvent ça arrive, on se plante en fait, on croit que la personne est en fait non. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut parler directement aux intéressés. C'est vrai, c'est toujours mieux d'avoir une vraie conversation. Et ce soir, on aura une vraie conversation avec le chiffre d'Alice. On va parler des objets masturbatoires. Exactement, parce qu'il y a quand même une partie des gens qui utilisent régulièrement ou pas, soit un objet du quotidien, soit un aliment, soit voilà, quelque chose comme ça pour se masturber avec ou dedans pour les hommes. Des objets du quotidien. Exactement. D'accord, mais je pense qu'on va avoir un maximum d'objets du quotidien. Apparemment, le stylo est en tête de liste. Le stylo ? Le stylo, donc c'est assez improbable. Ah oui, le pen, enfin bon. D'accord, ok doc. Alors, n'hésitez pas à nous dire, bien sûr, si vous avez déjà utilisé des objets du quotidien pour une activité masturbatoire, pour une petite branlette, voilà. Je sais qu'il y en a qui font ça dans des gants de toilette, par exemple. La fameuse tarte aux pommes aussi. La tarte aux pommes, c'est un classique pour une tarte aux pommes, très appétissante. Venez nous dire, en tout cas, 01 42 48 5000. On va revenir avec Mike Perry dans 3 minutes sur Fun Radio. Mike Perry, c'est ça. Et c'est bon. The Ocean, l'océan. On voyage ce soir. Merci d'écouter Fun Radio, à tout de suite.

something more. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. Merci d'être avec nous. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée. Vous nous écoutez à la radio, sur Internet. Il y en a aussi qui sont connectés là, bien sûr, voilà, dans leur voiture, tranquillement, qui sont en train de nous écouter au boulot aussi. Merci d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio. Deux heures de libre antenne avec vous tous, vous toutes, au standard 01 42 48 5000 pour nous appeler. On lira vos messages dans un instant. Mais d'abord, on va accueillir Julien. Julien, 21 ans d'Angoulême, et on écoutera The Parakeet aussi. The Parakeet avec Save Me sur Fun Radio. Julien, t'es là ? Salut tout le monde. Salut. Salut mon Julien. Tu nous appelles pourquoi ? Eh ben parce que je voudrais que vous m'aidiez tous à résoudre un problème, parce que je fais l'amour à ma copine depuis plusieurs mois, comme tout couple, et je me suis aperçu que j'ai voulu l'enquiquiner un soir, afin l'embêter. Je suis sorti d'elle et je suis re-rentré. Au moment de re-rentrer, je me suis aperçu qu'elle avait un orgasme. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une explication médicale ou pas ? Bien sûr. Non, mais c'est tout à fait l'excitation. C'est un geste érotique peut-être inhabituel qui a déclenché chez elle une grosse excitation qui a peut-être conduit à l'orgasme, tout simplement. Ouais, j'ai pas compris. D'accord. Non, mais il s'est retiré, c'était pas habituel. Et en re-rentrant, ça a déclenché chez elle un orgasme. Ce qui peut tout à fait arriver, parce que n'importe quel... Ça dépend du geste. Il a un sexe magique. Non, mais dans sa tête, tu sais que l'orgasme, ça dépend aussi beaucoup du fait de se relâcher, de ce qui se passe dans la tête, de ta machine à fantasmes qui fonctionne. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, le fait qu'il re-rentre a dû déclencher chez elle une poussée énorme de plaisir. Il a trouvé l'interrupteur. Parce que moi, je cherche. Putain, il est où cet interrupteur et tout, quoi, c'est que je galère. Hein. Et après, est-ce qu'elle avait encore envie de faire l'amour ? Oui, parce que. Dans le téléphone, Julien, quand tu parles. Je crois que je vais te donner une explication. Je peux le refaire plusieurs fois la suite, quoi. Oui, d'accord. Elle a toujours la même envie. Oui, probablement. En tout cas, ça a dû déclencher chez elle un énorme plaisir. Qu'il soit vraiment un orgasme complet, j'en suis pas totalement sûr, mais bon, peu importe. C'est l'essentiel, c'est le résultat. Et le résultat, c'est qu'elle a beaucoup de plaisir. Et là, elle a eu beaucoup de plaisir. Donc tout ça, c'est normal. Moi, j'ai une petite question sur l'orgasme. Ouais. Il paraît que chez les filles, l'orgasme, il est même plus important que chez les mecs. C'est vrai ou pas, ça ? Il dure plus longtemps. Il dure plus longtemps ? Oui. D'accord. Enfin, ce qui, genre, parce que nous, ça dure combien de temps ? 10, 15 secondes ? Moi, je vais te dire... Même pas ? Non, la mécanique érotique est extrêmement complexe. Et je pense qu'il y a des garçons qui peuvent ressentir du plaisir relativement longtemps. Tout dépend du contexte, du temps, de préliminaires, de caresses et de jeux érotiques. Le mec, il tire son cou, c'est vite fait. Ouais, c'est ça. En revanche, quand tu fais l'amour, tu peux effectivement avoir du plaisir. J'en parle toujours chez les garçons, c'est essentiel, ce qu'on appelle le plaisir en plateau. C'est-à-dire que les garçons, en fait, ils sont habitués à se branler et à chercher l'orgasme. C'est ça. Ils tirent sur la nouille, ils jouissent et c'est bon. Hop. Alors que, quand on fait l'amour, et quand on a le souci de sa compagne... Ouais. La doc parle de lui et Katoche, hein, je le dis direct. Si on l'aime et on, la considération pour elle, pour son propre plaisir, mais effectivement, on est très attaché au fait. Et le plaisir de l'un entraîne le plaisir de l'autre, c'est évident. À condition que ce ne soit pas simulé, parce que quand c'est simulé, c'est bidon et ça se voit. Ouais, c'est, mais. C'est vrai. Elle ne simule pas, non. Elle ne simule doute, pas. Sans doute. Ah non. Alice, ouais. Tu as déjà eu des orgasmes ? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un orgasme pour une fille, voilà quoi. Oh là là, bah écoute, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, une contraction dans tout le corps. C'est assez difficile à expliquer et je pense que c'est pour ça que c'est si appréciable. Ouais. Mais je saurais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est hyper intense. C'est en fait relativement semblable à l'orgasme masculin, malgré toutes les histoires qui sont racontées. C'est d'autant que chez le garçon, l'orgasme primaire est déclenché par la verge, et chez les filles par le clitoris. Même s'il n'est pas stimulé directement, il l'est indirectement, en tout cas, il joue un rôle essentiel. Et donc, je pense que l'orgasme, même s'il est un peu différent, c'est un peu la même chose. Mais bon. C'est le côté jeu, là, je pense, qui lui a plu. Parce qu'il disait que c'était pour la taquiner. Donc, forcément, le fait qu'il s'enlève, elle avait absolument envie qu'il revienne en elle. Ouais. Et donc, quand il est revenu, c'était l'extase. Je pense que c'est ça. Voilà. Romain. Elle est normale, mais c'est bien de jouer. Bah Romain, ouais. Romain, notre auditeur du soir, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, j'avais surtout une question au doc. Je voudrais savoir si t'arrives à lui faire des orgasmes à Katoche. C'est très personnel comme question. Mais, ouais, mais la réponse est évidemment oui. Ben, ma réponse est oui, bien sûr. Oh, il n'allait pas dire non, sans déconner. Non, mais bon, j'ai pas de preuve à donner. Mais bon. D'accord. Le plaisir est au-delà de l'orgasme, en plus. Tu sais quoi on va bientôt l'avoir, Katoche, on lui demandera si tu veux, Romain. Hein, ouais. Ah ouais. Faut tout savoir. Ah bah oui, bien sûr, c'est important. Mais la France se mobilise. La France veut savoir, hein, bien sûr. Si Katoche est épanouie et heureuse, c'est important. Julien, donneur d'orgasme, va. Oui. Arrête de tapeter, petit salopard. Mais non. Non mais si, il y a les chevilles qui enflent. Mais t'as raison. Il y a rien de plus génial que d'offrir un orgasme à sa nana, quoi. C'est même déjà du plaisir déjà. Ouais. Qui aboutit. Ouais. Parce que alors une fois que l'orgasme, ça va un peu fini l'affaire. Alors que le plaisir partagé pendant toute cette phase de relation, que ce soit par érotisme, par caresse ou par pénétration, c'est aussi extrêmement important. Souvent, on nous demande, c'est quoi être un bon coup? Ben, un bon coup, c'est donner du plaisir à sa partenaire. C'est pas une technique, c'est pas une performance. Ouais. Voilà. C'est du partage. Eh ben, écoute, Julien, t'as un putain de bon coup, mec. Hein. Continue je comme sais, ça. Je sais. Tu reviens quand tu veux, Julien. Pas de soucis, je peux faire une petite dédicace vite fait? Vas-y, bien sûr. Je fais une dédicace à ma chérie qui doit écouter et qui doit être très heureuse. Ah bah oui. Tu m'étonnes, on l'embrasse fort, Julien, tu reviens quand tu veux. Salut à toi. Salut à tous. Ciao, ciao. Fallait pas demander dans un instant avec le jeu FIFA 17 à gagner là toute la semaine. On sera avec Kevin. Kevin, t'es là? Ouais, je suis là. Salut Carré, salut Doc, salut Alice. Salut Kevin, t'as 23 ans et t'es à Tours, toi? Ouais, c'est ça. Oui. Et ouais, bah vas-y, raconte, tu vas faire le défi à qui, toi? Alors moi, je vais faire le défi avec ma copine Camille. Et tu vas lui demander quoi? Je vais lui dire que j'ai couché avec sa meilleure amie. D'accord, ok. Ok, pour foutre la merde. Il y a de l'orage en l'air. Ouais, dans un instant, vous restez bien avec nous. Défi, fallait pas demander. Après Mike Perry, voici The Ocean sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little. Mike Perry sur Fun Radio, The Ocean. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Le défi fallait pas demander depuis le début de la semaine, on vous régale avec le jeu FIFA 17 à gagner ce soir. Il est peut-être, je dis bien peut-être, pour Kevin, 23 ans de tour. T'es là Kevin? Oui, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Bienvenue Kevin dans le défi fallait pas demander. Je rappelle, le principe du jeu, il est très très simple. Hein. Tu dois poser une question qui doit énerver la personne que tu appelles. D'accord? Oui. Alors tu vas appeler qui? Alors moi je vais appeler ma copine Camille et je vais lui dire est-ce que je vais lui demander si ça la dérange si je couche avec sa meilleure amie. D'accord. Enfin, si j'ai couché avec sa meilleure amie. D'accord. Non. Ah, tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Alors dans la vraie vie je l'ai pas fait. Mais là tu l'as fait. Mais là je l'ai fait, voilà. D'accord, ok. Et ta meuf elle est plutôt du genre jalouse ou pas? Assez, oui. D'accord. Donc ça devrait normalement plutôt bien se passer. Kevin, ouais, à toi de jouer. Sois bon. On appelle Camille tout de suite. Ta copine. De 25 ans. Il va apprendre cette bonne nouvelle. Toujours avec la meilleure amie. Hein. Faut se méfier des meilleurs amis. Franchement, attention, faites gaffe. Oui, allô? Oui, Camille? Oui. Oui, coucou, c'est moi. Salut mon cœur, ça va? Ça va, ouais, et toi? Oui, ça va tranquillement. Ouais, dis-moi, je t'appelais, ça serait pour savoir si ça te dérangeait si j'ai couché avec ta meilleure amie. De quoi? C'est une blague qui me va dans ta gueule, c'est maintenant ou après? Bah non, mais tu vois, genre je voulais juste. Enfin, je me posais la question, genre si je couchais avec ta meilleure amie, si ça te dérangeait, enfin. C'est une blague que tu me fais là, c'est du tout de moi. Non, bah non, parce que voilà, en fait, il s'est passé un petit truc avec elle, donc. Donc voilà. Alors, comment ça, il s'est passé quelque chose avec elle? Il s'est passé quoi? Bah, comment ça fait? Tu l'as vu comment ça fait que tu l'as vu déjà? Et bah, en fait, j'ai chopé son numéro sur ton téléphone. Et je l'ai appelé, on a parlé, on a discuté et tout. Puis un soir, bah, on a couché ensemble. Non mais attends, tu te fous de ma gueule là. Mais alors déjà, premièrement, d'où tu te permets de prendre mon téléphone comme ça pour toper dans mon téléphone et regarder ce que tu veux? Mais déjà, c'est mon téléphone. À ce que je crois, je t'ai jamais fait ça. Et deuxièmement, mais comment ça, t'as couché avec elle? Mais tu pensais quoi par la tête? Mais elle était vraiment trop bonne et j'ai pas pu résister. Quoi? Elle était vraiment trop bonne et j'ai pas pu résister. Non mais elle est trop bonne, mais t'es sérieux là? Bah oui, puis elle au moins elle suce quoi. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais tu vois, mais au moins tu vois, elle suce et tout, et puis je sais pas, quand je la lèche, ça donne pas le même goût qu'avec toi. Parce que moi quoi. Ça suce pas, ce que je crois. Bah, c'est quand même mieux avec elle, quoi. Quoi? Mais tu sais quoi, hein? Si c'est comme ça, t'as qu'à aller te mettre avec elle, t'es vraiment un pauvre connard. Non, mais après 4 ans de relation, tu te permets de, en plus de me tromper, mais avec ma meilleure amie. Mais elle, c'est vraiment. Et en plus, elle est moins poilue que toi. Hein. Non, mais tu te fous de ma gueule, non, mais je tombe de haut, là. T'es vraiment un gros connard. Après avoir entendu tout ce que j'ai entendu sur toi, que tu t'es tapé ta cousine, que tu t'es tapé ta meilleure amie, et là, maintenant, tu tapes ma meilleure amie. Bah, non, mais oui. t'es sérieux? Mais t'es un bel enculé, en fait. Mais tu t'apprends à quoi? Mais en plus, y a un truc qui est bien avec elle, c'est quand même la sodomie, quoi. Ah, bah ça, de toute façon, je t'ai toujours dit que personnellement, rien rentrait, mais tout sortait. Je t'ai toujours dit, déjà. Mais tu sais quoi, hein? Si c'était comme ça, fallait pas te mettre avec moi, fallait pas me proposer, il y a quelques temps, de vouloir te fiancer avec moi. Hein. Ouais, mais tu vois, genre, j'aurais dû la rencontrer plus tôt, elle aussi. Tu sais quoi, tu veux jouer à ça? Tu te souviens le week-end dernier, j'étais chez un pote avec une copine. Mais tu sais quoi, je me suis bien amusée avec lui. Tu veux savoir, tu veux un peu plus de détails? Ouais, tu mytho. Ah non, j'ai pas du tout mytho, non. Non, tu veux savoir? Je peux te dire exactement comment est-ce qu'elle est faite. Elle est bien belle, elle est bien grosse, elle est bien longue. Personnellement, je la vois un peu mieux que la tienne. Elle est bien grosse, comme toi. Et personnellement, il tient beaucoup mieux au lit que toi, tu ne tiens au lit. T'es vraiment un gros connard, franchement, mais tu me dégoûtes. Après tout ce que tu as fait, t'es vraiment un fils de pute, un enculé. Elle, c'est une grosse pute. Je peux te dire que la prochaine fois que je te vois, déjà, reviens même pas chez moi. Tes affaires, tu vas les retrouver dehors, d'accord? Tout ce que je peux avoir de toi, ça va être dehors, je vais les vendre, d'accord? Mais en plus de ça, si tu viens, tu te prends ma main dans le coin de la gueule, d'accord? Bonsoir, Camille. Ouais, c'est qui? Hashtag... Allez, ciao, bonne enculée, allez, attends, Camille. Camille, ne raccroche pas. C'est quoi là? Je vais t'expliquer. J'ai juste envie de mettre quelque chose en avant. Hashtag malaise. Puisque c'est ce qu'on est en train de vivre là sur Fun Radio. Tu es en direct dans toute la France. Mais... c'était pour un jeu en fait. Mais voilà. Vous foutez tous de ma gueule là. C'était... non, mais... pas du tout. En fait, je t'explique. Kevin a participé au défi Fallait pas demander. Il devait te faire croire qu'il avait couché avec sa meilleure amie. Le seul petit problème, c'est que là, tu viens de lui dire que tu t'es tapé un mec le week-end dernier. Voilà, c'était pour gagner FIFA 17. Voilà, salut. Allez, moi, j'y vais. Salut tout le monde. Non, c'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Voilà. Kevin. Putain, c'est vraiment une belle connasse. C'est quoi? Oh, le malaise. Putain, mais t'es vraiment une grosse pute, ma part. Non, Kevin. Non, non. Mais attends, mais... tu sais qu'il se permet de m'appeler déjà pour me sortir ça. Et moi, après, je suis une grosse pute. Attends. Là, ce qui serait bien, Camille, c'est que tu dises, mais c'était pas vrai, j'étais énervé en fait. C'était pas vrai. Apparemment, non. Non, personnellement, il s'est rien passé. Oui, j'étais avec une pote, j'étais chez un pote avec une copine à moi, il s'est rien passé du tout. Mais par contre, de ce qu'il m'a sorti, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. D'accord. Okay. Donc tu ne l'as pas trompé non plus? Non, j'ai pas trompé, j'ai voulu sortir ça le coup de la colère. Je suis tellement énervée que j'en tremble, quoi. J'ai les mains qui tremblent. Eh ben, on l'a échappé, belle. J'ai eu peur. Bon, et tu sais quoi, Kevin? On va dire que c'est gagné. Bravo! FIFA 17. Non, pas que je te fasse un truc de ce style, toi, je peux te le dire. Oh, putain. Tu as intérêt de te faire pardonner ce week-end. Ah bah, bien sûr, attends. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Camille? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas. Mais je fais pas de plaisir. Ah ben, si tu veux, on t'envoie un sextoy, ma chérie. Ah ouais, mais là, attention, Kevin. Hein, parce que... risque d'être mis de côté. Gars, parce que hein, nous, on envoie du sextoy de compète. Hein, ah ouais, les lots, c'est les meilleurs. Hein. Ah ouais, donc... Non, j'aime bien quand même le mien, quand même. Je préfère le vrai que le sextoy. D'accord. Bon, ça se termine bien. Et franchement, j'ai flippé à un moment donné. Hein. Je me suis dit, ça y est, le truc qui part. Ça, on sait pas. Hein. Elle s'est peut-être juste bien rattrapée. Oui, tu t'es peut-être bien rattrapée aussi, je ne sais pas. Mais bon, on va dire que c'est, ça s'est bien passé. Hein? Camille, on te fait des gros bisous. On va t'envoyer ton cadeau. Chose promise, chose due. Et Kevin, le jeu FIFA 17 bientôt à la maison. Ok, merci. Bon, et quand même une petite conversation tous les deux. Oui, je pense, parce que là. Il m'a pardonné. Une histoire de longueur et tout, machin. J'ai bien retenu. Il y avait quand même des détails et tout. Donc, Il fallait bien se défendre quand on dit quelque chose comme ça. On sort comme ça. Il faut bien avoir des choses à pouvoir sortir, quoi, après. D'accord, Camille. Eh ben, écoute, je te fais des gros bisous. Tu reviens quand tu veux merci, sur Fun Radio. Bisous à vous. Salut, Kevin. Salut, merci, Karine. Salut, ciao. Elle a dit je t'aime. Salut. Ouais, c'est vrai. Ah, fallait pas demander. Dans Levin Fun. Sur Fun Radio. Mais oui, elle a dit je t'aime à la fin. Et ça rassure quand même un petit peu. Hein. 01 42 48 5000. Evelina est avec nous. Bonsoir, Evelina. Bonsoir, là. Salut. Toute l'équipe. Salut. Evelina, t'es à Marseille. T'appelles pourquoi? Parce que en fait, je suis amoureuse d'un garçon et il est super populaire et puis j'aimerais vous en parler. D'accord, ok. Tu veux sortir du lot, toi. Hein. Tu veux sortir avec lui, en fait. Voilà. D'accord, on va en parler dans un instant. 01 42 48 5000. Le chiffre d'Alice arrive dans un instant aussi. Et voici The Parakeet, Save Me sur Fun Radio Love in Fun. Hard to walk again. You told me how to fly. You drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Ça, c'est quand même un tube énorme, hyper efficace. Parakeet, Save Me sur Fun Radio. 20h, 22h. 0 à 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et je rappelle que si vous êtes dans un internat, tous les soirs, il y a la question de l'internat dans Love in Fun. Si vous voulez venir faire une grosse dédicace, poser une question, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. On fera la question de l'internat tout à l'heure. Il y aura le chiffre d'Alice. On parlera de quoi dans ton chiffre ce soir? On va parler des personnes qui ont déjà utilisé un objet du quotidien comme sextoy. Et d'ailleurs, on vous offrira aussi des sextoys pour toutes les réactions. Et bien sûr, des sextoys. Parfois, Lélo, ça se termine mal. Ah, ça, on en parlera aussi, bien sûr. 01 42 48 5000. 5000, c'est le numéro pour nous appeler. On a Evelina qui est avec nous. Elle est à Marseille. Salut Evelina. Salut Evelina. Salut. Salut à toi. Ah, raconte-nous là, qu'est-ce qui se passe dans ton bahut là? Bon, en fait, je suis amoureuse d'un gars. Ouais. Mais j'ai un petit problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de filles qui l'aiment. Ah, bah et oui. j'ai l'impression qu'elles sont plus belles que moi. D'accord, bah, forcément. Bon, et est-ce qu'il s'intéresse à toi? Je sais pas en fait. Et en fait, j'aimerais savoir comment avoir des conseils pour savoir comment je peux ressortir du lot et puis voilà. Pour sortir du lot, à mon avis, il faut aller le voir, il faut aller lui parler. Parce qu'il y a plein de copines à toi qui doivent être comme des dingues devant lui et qui doivent pas oser aller le voir. Est-ce que tu lui as déjà parlé? Oui, on s'entend bien. Donc tu lui parles souvent? Ouais. Ouais. Donc, non, oui. Il faut que tu ailles un peu plus loin, il faut que tu te débrouilles en étant seul avec elle. Bon, a priori, s'il s'intéresse à toi, tu vas le voir très vite. Hein. Alice, tu faisais comment, toi, quand tu étais au bahut, là, pour aller voir un mec qui t'intéressait? Eh ben, j'étais assez réservée, assez timide, et j'attendais souvent qu'on vienne me qu'on voir. Ouais, d'accord. Mais dans cette situation, je pense que le meilleur moyen, justement, c'est pas d'agir comme toutes les petites groupies qui sont autour de lui, en mode « t'es trop beau », mais essayer d'ouvrir quand même la conversation, des messages, échanger avec lui, et voilà, le découvrir, ça se trouve. Et Evelina, c'est un beau gosse? Ouais. C'est le mec genre le plus populaire du bahut et tout. Toutes les filles sont dingues de lui. Voilà. Ok, Guillaume du standard. Non, parce que c'est le stéréotype du. C'est l'histoire ça. De sa vie à Guillaume. Ah. Non, moi je me fais pas draguer. Hein. Ah ouais. Bah non. Bah putain Guillaume, t'es hyper beau gosse, sans déconner. Attends, il est à sa copine qui écoute ceci. Hein. Non mais je me fais pas draguer en vrai. Hein. Non mais voilà, donc c'est exactement ce que je disais. Les filles n'osent pas venir voir les beaux gosses. Bah, je sais pas si c'est pour ça, mais. Parce qu'elles se disent non, il va me refouler, bon, il est inaccessible. On a une pluie de beaux gosses dans cette équipe. Godefroy, là, toi aussi, t'es beau gosse? Non. Sans déconner. Bon, bah alors, c'est moi le beau gosse, c'est bah, ça. Allez, Karel. Ouais. Comment ça se passe, toi? Ah, bon, moi, vous venez pas me voir, hein. C'est simple. Hein. Qu'est-ce qui marche avec toi? Il est resté longtemps célibataire, c'est pas un bon. Oh, bah, ben, moi, celle qui voulait, c'était bon, hein. Tu vois, on s'emmerdait pas avec les détails. Hein. Tu vois, si elle retenait mon nom, ça me va. Romain. Un vrai beau gosse, c'est Romain, notre auditeur du soir. Ok, Romain, dans ton bahut, c'est toi là, c'est toi le beau gosse. Ouais, non, peut-être pas quand même. Allez, fais un effort, merde. Hein, on est là pour aider Evelina. Bon, alors, qu'est-ce que tu aimes, toi? Est-ce que tu aimes déjà qu'une nana vienne vers toi pour te draguer? Ah ouais, c'est hyper agréable, c'est cool. Ça, c'est génial quand ça t'arrive. C'est un indice, parce que c'est vrai que les garçons, sans avoir l'air, sont extrêmement timides. Ils font les malins, ils fanfaronnent. Ouais. Donc, quand il s'agit d'établir une relation amoureuse, ils sont pas si malins que ça. Ils sont un peu timides, tout comme toi, tu sais. En fait. Bah, bien sûr, Evelina. Regarde Romain, il est tout timide, là. Ah ouais, non. Mais moi, en plus, c'est trop ça. J'ai trop peur d'aller vers les filles. Du coup, quand il y en a une qui vient vers moi, c'est mort, je lâche plus, quoi. Ah ouais. Tu vois, non, mais c'est ça. Il faut pas hésiter à aller draguer les mecs. Est-ce que tu as compris, Evelina? Mais moi, en fait, je suis comme Alice. Je suis super réservée, super timide. Bah, il faut pas y penser. Faut écoute, oublier que t'es timide. Il faut y aller parce que sinon, c'est une autre qui va le faire à ta place. Mais oui, il faut pas avoir peur. De toute façon, je veux dire, tu t'as rien à perdre. Parce que dans le pire des cas, si tu fais rien, tu ne l'auras pas. Donc, vas-y, donne tout ce que t'as. Et puis, pire, tant pis, quoi. Non, mais c'est façon. Mais non, mais c'est façon de parler, quoi. Avec toute la motivation du monde, toute la bonne volonté du monde. Et puis, voilà. Et surtout, faut que t'aies vraiment confiance en toi. Arrête de te poser des questions en disant les autres filles sont plus belles que moi, on s'en fout. Par contre, je suis pas d'accord avec vous sur. T'as rien à perdre, parce que je peux t'assurer qu'Evelina, à mon avis, elle doit être dingue de lui, et je pense que si elle apprend qu'il n'est pas intéressé, elle va être hyper triste. Mais et alors? Non, mais ça, mieux vaut ça que de vivre sans lui et de jamais avoir rien tenté. Dans tous les cas, elle l'aura pas. Ouais, il y a deux aspects. Il y a le principe de réalité qui peut aider beaucoup, parce qu'avec ce principe de réalité, tu vas regarder ailleurs, t'as pas le choix, même si ça te fait du mal. Et deuxième chose, c'est que tant que tu restes

DJ Snake, Justin Bieber sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs et le chiffre d'Alice chaque soir entre 20h et 22h. Ce soir, un nouveau chiffre où on va parler masturbation. Et ouais, masturbation, il y a quand même 60% des gens qui ont déjà utilisé un objet du quotidien comme sextoy. Objet du quotidien, ça peut être tout et n'importe quoi. Ah ouais. Parce qu'il aide à se frotter. Alors, il y a les filles qui vont utiliser des objets avec pénétration, mais les garçons aussi, à pénétration anale. C'est comme ça qu'on a retrouvé parfois des objets extrêmement... Ça va du stylo à la Tour Eiffel, bien évidemment. Bien sûr. Comme le monde. Mais alors, oui, dans des pratiques assez hard. Alors, justement, on va commencer par Laetitia qui est avec nous. Mmh. Laetitia, 31 ans de Tarbes, qui est ambulancière. Bonsoir Laetitia. Oui, salut. Bonjour tout le monde. Salut Laetitia. Tu l'as entendu, beaucoup de personnes se masturbent avec des objets du quotidien qu'on peut trouver voilà, dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, déjà personnellement, Laetitia, est-ce que tu as déjà utilisé des choses comme ça? Non, peut-être qu'un jour j'essaierai, mais jusqu'à présent, j'en ai pas eu besoin. Par contre, dans le cadre de ton travail, il t'est déjà arrivé parfois peut-être d'être dans des situations quelque peu cocasses. Oui, effectivement, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on m'a envoyé sur une intervention un jour, en fait, où c'était une jeune femme qui, depuis 3 jours, avait un flacon de parfum qui était resté coincé, en fait. Ah. Donc, il a fallu l'amener pour... Mais coincé où, dans la... Bah, dans le vagin. Dans le vagin. Dans le vagin, ouais. Voilà. C'est dangereux en plus. Oui. Et bien oui, effectivement, parce qu'elle a commencé à s'inquiéter du moment où elle a vu que son ventre était gonflé. Et ça faisait combien de temps qu'il était coincé ? 3 jours. 3 jours ? Ça faisait 3 jours, ouais. Oh, et elle restait avec ça ? Elle devait sentir bon du vagin. bon, je ne suis pas allée y mettre le nez, je vous en Tu m'étonnes. Mais alors, attends. Et Laetitia, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'elle vous a dit, voilà, je me suis mis un parfum dans le vagin, ça fait 3 jours, c'est ça ? Alors effectivement, donc c'était une jeune femme, ben en plus c'était bizarre parce qu'elle avait mon âge, et donc elle était en centre psychiatrique, et donc les soignants nous ont expliqué en fait que ça faisait déjà quelques jours qu'elle cherchait désespérément quelque chose pour avoir des rendez-vous médicaux, des examens, ouais. Voir. Elle a essayé à partir de là, et alors après, apparemment, et elle en parlait tout à fait ouvertement en plus. Hein, elle nous a dit qu'elle, de toute façon, ça faisait un moment qu'elle voulait essayer, et que bon, ben du coup, voilà, elle n'était pas inquiète. Mais 2 jours après, quand elle a vu que c'était gonflé et qu'il y avait du sang, elle a commencé à s'inquiéter quand même. Ah bah ouais. C'était pas un échantillon en plus. C'était relativement mal. C'est un flacon de parfum, quoi. C'est pas. après, on ne sait pas la suite. Ça dépend quel parfum, quoi. Les médecins n'ont pas raconté la suite, mais. Ça n'a pas dû être très facile. Genre 200 millilitres, oui, tu prends cher, quoi. Je vais dire, putain, il faut avoir le courage de se mettre ça quand même. Hein. Et du coup, tu as eu des nouvelles après ou pas, Laetitia ? Non, bah c'est vrai que je n'ai pas eu de suivi après. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais bon, c'est vrai que quand on voit la radio, c'est assez impressionnant, quoi. Ah bah, ouais, ça c'est oui, clair. Parce que ça se voit à la radio. Oui, mais il y a plein... Et en plus, ça existe. On l'a amené pour passer une radio, ouais, donc du coup, on l'a ramené après. Donc, je suppose qu'elle a eu une intervention assez rapidement. Ouais. Une pénétration anale, effectivement, tu as aussi des choses comme ça. Toutes sortes d'objets, la chose, c'est que ça ne ressort pas. Dans le vagin, pareil. Après, c'est extrêmement compliqué de la retirer. Mais j'ai vu une radio avec une ampoule. Tu sais, genre les ampoules pour les lampes et tout, quoi. Hein, qui se mettent des ampoules comme ça. C'était pour la lumière, ça. Oui, bien sûr, pour allumer. Mais des tours Eiffel, on en parlait hein, tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et des objets qui font flipper. J'ai vu une radio avec une fourchette dans le vagin. Ah ouais, mais il y a plein de trucs bizarres. Des ciseaux, des lunettes. Ça, c'est pas terrible. Mais Laetitia, c'est la seule petite anecdote Il m'en est arrivé qu'une en 7 ans, ouais. Je pense que c'est pas une chose qui arrive tous les jours. Enfin, en plus, on est dans une petite région, mais ouais. D'accord. Mais c'est déjà super. Je suis contente que ça me tombe dessus, quoi. Ah, merci beaucoup de nous avoir appelés. On a appris plein de choses. Reste avec nous. On a Sally aussi qui est là, 23 ans de Valence. Bonsoir, Sally. Salut l'équipe. Salut, Sally. Tu utilises des objets du quotidien ? Plus maintenant. Maintenant, j'ai mon mari qui me satisfait pleinement. Oui, mais à l'époque. Mais ouais, en étant adolescente, ouais, c'est vrai que j'avais tendance à utiliser le manche de ma brosse. La brosse à cheveux. Ouais. D'accord. Toi, ça fait marrer Alice. T'as déjà essayé, Alice ? Non, pas du tout, mais ça me fait vraiment rire. Il y a aussi un truc utilisé qui est immonde, c'est la bouteille. La bouteille. La bouteille de coca, la bouteille de champagne, enfin voilà, des trucs complètement monstrueux. Mais c'est très hard et violent. Et, ah ouais, non, tout le monde ne fait pas ça. Le problème, c'est que ça ne ressort pas toujours une fois que c'est rentré. Ouais, non, mais il y a aussi un truc qui est hyper connu chez les filles, c'est le jet de la douche, en fait. Le pommeau de douche. Alors, c'est la hit. Ouais, mais alors une fois, je me souviens d'avoir eu une auditrice qui nous avait expliqué qu'elle n'avait pas compris qu'il fallait juste se mettre le jet. Elle avait mis le pommeau dedans. Hein, donc forcément, là, ça fait mal. Hein. C'est évidemment. Donc toi, Sally, brosse à cheveux, ok. On a Jen qui est là, 29 ans de Metz. Bonsoir, Jen. Bonsoir. Salut. Salut. Y a pas de mec. Ah si, il y aura Philippe qui veut réagir. Non, parce que c'est vrai, t'as raison. Donc les mecs aussi peuvent s'introduire des choses. Hein. Oui, bien sûr. Jen, tu as utilisé quoi, toi? Bah, le pommeau de douche. Ah, le fameux. Mais pas le. Alors pommeau. Je ne suis pas l'auditrice. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Non, mais ça, il paraît que c'est hyper stimulant. Oui, le jet de douche, oui. Ouais, j'en ai entendu. Oui, le jet de la douche. D'accord. Oui, bah. Oui. La thalasso, c'est toujours agréable. Ah, voilà. On ne refuse pas une bonne thalasso, Jen. Hein. Voilà. Il t'arrive encore parfois d'utiliser voilà, pendant un bain Pas un bain, pendant la douche, oui. D'accord. Et bah, continue de te faire plaisir, Jen. Sextoy Lélo pour toi aussi, pour tous ceux qui réagissent là ce soir. Joe est avec nous. Joe, 22 ans de Lyon. Oui. Bonsoir, Joe. Salut. Bonsoir à tous. Salut, Joe. T'as une petite anecdote à nous raconter, un petit truc qui ouais, t'est arrivé, toi. Une petite anecdote. Vas-y. Écoute, moi, quand j'étais au lycée, il y avait une femme dans ma classe qui s'est coincée une carotte dans la chatte. Oui, bien sûr, bah, c'est banal, la carotte. Mais comment t'es au courant? Eh ben, écoute, en fait, il y avait sa meilleure amie qui est partie avec elle à l'hôpital. Ouais. Et cette meilleure amie, elle a filmé l'action. Oh, mais non. Et non. Du coup, bah, le lycée, tout le monde était au courant. Et, bah, du coup, bah, ça l'appelait. Alors, ça on fait... l'appelait quoi? Attends, on l'appelait Paul de Carotte. Mais attends, ouais, je suis quand même. Je suis désolé. Ça s'appelle. D'abord, c'est une vidéo privée, et ça fait partie du cyberharcèlement. C'est-à-dire en fait, que c'est clair. C'est assez scandaleux de faire une chose pareille. Alors, parce que ouais, non, mais c'est dégueulasse de faire ça parce que t'imagines la pauvre fille qui sait que son image en intimité, bon, peu importe ce qu'elle fait, ça regarde personne. En tout cas, elle a pas fait. Elle a porté plainte et tout avec. Hein. Ben, elle a bien eu raison. J'espère qu'ils ont été condamnés. Puis que, si vous faites ça, les filles, au moins faites cuire votre carotte, quoi. Enfin, je veux dire, va se casser rapidement, quoi. Les carottes sont cuites. Ah, bah non, une carotte cuite, elle est molle. Oui, oui, non, voilà, tu comprends ce que je voulais dire. C'est pour faire de la purée, quoi. Ça, c'est pas le même délire. Exactement, c'est plus doux, on va dire, hein, à l'intérieur. Joe, ok. Oui. Ok, donc la carotte, la petite anecdote. Philippe, t'es là? Oui, salut. Salut, Philippe. T'as 30 ans, t'es à Montpellier, toi, Philippe. Ouais, moi, en fait, je suis sapeur-pompier. D'accord. Un jour, on reçoit un appel d'un mec qui nous dit que sa mère a fait un malaise, ouais. Un malaise vagal. Ouais. Donc, on se rapplique dans l'appartement, on rentre et on voit un mec à quatre pattes sur le canapé avec une bouteille de Coca-Cola enfoncée au centre. Elle ressortait pas, elle était rentrée. Et le problème, c'est qu'elle ressortait pas. Il a fallu appeler l'anesthésiste réanimateur qui l'anesthésie sur place, quoi. Attends, un réanimateur pour... Non, mais je vais ils l'ont anesthésié, que, en fait. Non, mais parce que la bouteille du Coca, vous voyez comment elle est faite. Ouais. Tu rentres le tesson, enfin le cul bouteille en premier. Ah ouais. Et ah après, bon une fois qu'elle est rentrée, t'as le goulot, mais tu peux tirer dessus, ça sort pas. Oh, mais, voilà, mais non, mais faut le rentrer par le goulot. Non, je sais pas. Il y a eu du sang de partout. Ouais, bien, puis ça, oh, oui, le pauvre. C'est dégueulasse. Oui, non, mais t'as raison. Oui, c'est horrible. Enfin, mais quelle idée de se mettre une bouteille de coca dans l'anus. Oui, mais c'est extrêmement fréquent. Et il a eu de la chance. Une anesthésie, évidemment, a permis d'étendre l'anus et voilà, de retirer ça. Et s'il y a une plaie, bon, au moins, il n'a pas eu mal. Mais sans anesthésie, tu ne pouvais pas le faire. Et t'imagines s'il avait mis des mentos dans sa bouteille? Oh, le mentos et le coca, ça fait pas bon ménage. Oh hein. Là là, quelle horreur. Ah bah oui. Surtout la tête de ses fesses quand ils ont dû retirer la bouteille, quoi. Ah putain, le je pense qu'il doit avoir des plaies anales. Il a dû avoir un courant d'air là-dedans. Des plaies anales ou rectales, c'est important puisque ça saignait. Et évidemment, voilà. Bon, après. Non, mais je sais pas, mais il existe des gosses, je sais pas, mais bon. Bah, je pense que ça peut rentrer dans des fantasmes brutaux comme ça, de gens qui ont du mal à exprimer leur sexualité ou à la vivre, qui effectivement utilisent des moyens extrêmes. Mais voilà, on apprend délétère et douloureux. Oui, il y a différentes utilisations de bouteilles de coca. Voilà, on apprend de nouvelles elle ce soir. Vide, hein. Elle était vide. Ah bah, elle était vide. Ah bah merci. Merci Philippe. Il l'avait bu avant. Oui, non, mais quand même, t'imagines la bouteille pleine en plus. Merci beaucoup Philippe. Il y a des réactions aussi sur les réseaux sociaux. Allez, raccroche pas Philippe, t'as gagné ton sextoy. Hein. Merci. Hein. Je sais que t'en as besoin en plus, hein, Philippe. Hein. Ouais, je m'en sers. Il n'y a pas de problème, tu raccroches pas. Et des réactions aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à réagir. Ouais. Hashtag LoveInFun, Alice. Il y a Julien qui nous dit avec ma copine, on s'est déjà amusé avec des crayons de couleur. Priscilla nous dit vive les concombres. Laura, un fer à friser. Et on a notre grande gagnante, c'est Sarah, qui nous dit courgettes, bananes, carottes, fouet à main, manche de brosse. téléphone fixe, déo, bouteille de coca et petite télécommande. Voilà, voilà. Grande gagnante. Vous avez l'intégralité des objets. Ça, c'est les gens qui prennent l'objet qui leur tombe sous la main. Ah ouais, c'est ça. On a la télécommande. C'est tellement ouais, mais toujours... c'est ça, c'est crâne. Chérie, où est la télécommande? Mais elle même est les dans bouteilles. Mon cul. On déconne. Mais même les bouteilles, c'est crade, quoi. Ah, carrément. Franchement, ça. Sextoy, les lots pour tout le monde. On envoie ça à Sally. C'est quand même l'objet qui est fait pour ça, normalement. Hein. Voilà. On envoie à Sally, à Jen, à Laetitia, à Joe, Philippe. Merci à tout le monde pour les réactions. Dans un instant, on sera avec Anastasia, 13 ans de Mulhouse. Alors Anastasia, elle a un vrai souci dans son bahut, elle a une réputation de pute, en fait, tu vois. Et elle n'arrive pas justement à se faire des amis à cause de ça. On va en parler, on va l'aider, bien sûr, on est là pour vous chaque soir sur Fun Radio. 20h, 22h, Love in Fun et du son, pas n'importe lequel, Sam Felt, Summer on You sur Fun Radio. Clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups down by the riverside. We spent those long hot nights until the sky turned blue. When I spent the summer on you. Spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free. But you were all that I need. My feet down in the sand. You took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping a coke and rum. You cannot be returned, so I made my move. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. Sam Felt sur Fun Radio, Summer on You. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui se branchent peut-être sur Fun Radio, là, la première fois qui découvrent Love in Fun, une émission où on se dit tout, on parle tout simplement chaque soir sur Fun Radio entre 20h et 22h. Love in Fun, une vraie libre antenne avec le Doc. Je m'appelle Karel et Alice, bien sûr, hey, qui est là. Et on va accueillir Anastasia. Elle a 13 ans, elle est de Mulhouse. Salut Anastasia. Salut. Bonjour. Salut Anastasia. Salut. Bienvenue dans Love in Fun, Anastasia. Tu nous appelles pourquoi? Ben, en fait, c'est parce qu'au collège, j'ai une réputation de pute, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Mais oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un jour, il y a des filles qui ont décidé qu'elles m'aimeraient pas. Mmh. Et elles m'ont inventé une vie, et du coup, et ben, tout le monde les a crues, vu que c'était des filles populaires. Ouais. Et du coup, ben, maintenant, j'ai une réputation de pute. Ça fait combien de temps? Depuis que je suis en sixième, là je suis en quatrième. D'accord, ça fait 2 ans que régulièrement elles t'agressent verbalement. Bah, elles font tout pour m'humilier, elles m'insultent, ouais, elles disent des choses dans mon dos. Ça s'appelle du harcèlement, ça. Bah oui. Hein? Puis 2 ans, et pourquoi tu... Bon, je comprends que tu ne trouves pas de solution. Qui t'a aidé là? Personne? Bah, personne, mais cette année je suis allée voir mon CPE du collège, on lui a écrit un papier, mais il n'a rien fait, il n'y a pas eu suite au... Il faut que tes parents bougent. Ouais, c'est aux parents justement. Et c'est aux parents, ouais, d'aller voir. Et encore une fois, toujours la même chose. Hein, c'est un problème qui est vraiment totalement méconnu. je suis pas sûr que ce soit mal intentionné, mais faut que tu saches que les enseignants ne savent pas. Or, c'est un vrai problème, puisque l'éducation nationale s'en préoccupe et veut qu'à chaque fois, il y ait une intervention menée, bien sûr, par les adultes. C'est pas à toi de faire des expéditions punitives. Anastasia, t'as un copain ? Oui, j'ai un copain, mais en gros, je sors avec lui, ça fait 4 mois, mais il veut pas que les autres personnes soient au courant que je suis avec lui. À cause de cette réputation, ça, c'est ça ? Oui. Ben, en substance, elles disent quoi de toi ? Juste pour savoir le degré des insultes. Ils disent que je suis bête, moche, débile, conne. Mais c'est ça. Ouais. Donc tu te fais insulter. Donc il faut que tes parents interviennent très vite. Il faut que tu ailles les voir. Tu leur dis de se brancher sur Internet, non au harcèlement. C'est un espace qui est tenu par l'Éducation nationale, puisque en fait c'est eux qui ont mis ça en place, avec un numéro vert qui est le 3020, dédié aux élèves, aux parents et aux professionnels qui vont t'expliquer exactement de quoi il s'agit et quoi faire. Parce qu'il faut que tes parents se rendent au collège. S'ils ne comprennent pas au collège, ils vont déposer plainte, parce que ce n'est pas parce que... Il y a eu des coups ou pas ? Non. Aucun coup. Mais les violences verbales sont des stigmates de harcèlement, bien évidemment, puisque en fait, ce qui caractérise un harcèlement, ce sont des attitudes vexatoires, de brimades, de violences verbales par un ou plusieurs individus, en l'occurrence c'est plusieurs, et ce qui dure depuis plus de 3 mois. Toi, ça fait 3 ans. Putain. Donc c'est ça. Tu comprends ? Il ne faut pas que tu te laisses faire. Pour cela, ce n'est pas toi qui vas évidemment faire la loi, puisqu'on va leur donner, alors déjà, parce qu'elles ne se rendent pas totalement compte de cela, mais je pense qu'il y a un effet d'entraînement, de boule de neige. Une fille mène la danse et les autres suivent, peut-être même les garçons, et que dans les écoles, comme ça, il peut y avoir, entre guillemets, un bouc émissaire, c'est-à-dire qui catalyse la violence et la méchanceté des autres. Donc il faut que tu te défendes, il faut donc que ta mère rencontre les enseignants, le principal du collège, et que cela, évidemment, ait des entretiens avec tous ces élèves pour leur dire que ce n'est pas possible. Et que si ça continue, c'est une plainte. Faut que ça s'arrête, Anastasia, parce que t'es malheureuse, là. J'ai appris à m'en foutre de ce qu'elle disait. Donc, ouais, mais... Est-ce que parfois tu hésites à aller à l'école à cause de ça ou pas ? Oui, des fois. Voilà. Donc, tu pourris la vie, là. Donc voilà, tu n'es pas bien. Tu n'es pas la seule. Nombreuses et nombreux sont ceux qui sont dans cette situation-là, qui est là, c'est extrêmement méconnu, banalisé par les responsables d'éducation, et qui ont bien tort. Eux aussi peuvent aller, tu leur dis, au principal d'éducation, écoutez, allez, tu dis que tu as eu un médecin au téléphone, et qu'effectivement, il t'a conseillé d'aller sur le site Stop Harcèlement du ministère de l'Éducation nationale, donc ça le concerne directement. Mmh. Il est directement concerné. Et qu'il fasse le 30-20. Ok ? Ok. Parce que c'est super. Parce que si tu nous as appelé, c'est que ça va pas, Anastasia. Tu nous avais envoyé un message, c'est ça, hein, sur Snapchat ? Oui, c'est ça. Ou par mail ? Snapchat. Franchement, si vous êtes concerné, c'est-à-dire être un agresseur, en fait, quelque part, hein, c'est ça. Ouais, vous pouvez appeler aussi. Hein. Ouais, faut pas hésiter à appeler. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent écouter, qui se disent, putain, moi aussi, je fais peut-être la même chose avec une copine et je me rends pas compte des conséquences. Je pense qu'il n'y a pas de conscience réelle du mal que l'on fait aux autres et on banalise le mal. Mais voilà, on pense que c'est pour rire, pour se marrer. Peut-être, mais ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Et je pense que si effectivement ceux qui harcèlent savaient le mal qu'ils font, en tout cas c'est ce qu'on constate en général, ils sauraient s'arrêter pour la plupart. Anastasia, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner le numéro de téléphone du doc et on va gérer pour qu'il puisse parler à ta maman, d'accord ? Ça te va ? Oui. Tu nous tiens au courant ? Ouais. Gros bisous. À bientôt. Bisous. Salut. Au revoir. 01 42 48 5000. Marine est avec nous sur Fun Radio, 25 ans, de Clermont-Ferrand. Bonsoir la Clermontoise. Salut. Bonsoir. Salut Marine. Salut Marine. T'appelles pourquoi ? En fait, j'ai un petit souci. J'ai mon meilleur ami qui me chauffe et en fait, j'hésite à sauter le pas en fait. Oh, tu vas le sauter, voilà. Je suis sûr. Tu vas le sauter. Va savoir. Ah ouais, l'éternelle question. Est-ce qu'il faut coucher avec son meilleur ami ? Alors attention, hein, je veux un maximum. Il s'agit d'aimer. Oui, non, mais bien sûr, mais il y a couché aussi, Doc. Bon, alors, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de votre meilleure amie, qui était normalement votre meilleure amie? C'est ça, je repose la question. Il y a les deux. Dites-nous en tout cas si vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez regretté, ou au contraire, ça a été pour vous l'histoire d'une vie, j'ai envie de dire, la vraie rencontre avec la femme de sa vie, l'homme de sa vie. 01 42 48 5000, on veut un maximum de témoignages. On va t'aider, Marine, hein. Ok, merci, c'est gentil. On aura aussi la question de l'internat. Vous êtes en internat, n'hésitez pas à nous appeler. Venez ici poser votre question. Foutre le bordel sur Fun Radio dans toute la France, dans tout l'internat. 01 42 48 5000. Et on écoutera le nouveau Cachemire sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Je suis exceptionnel. Anso, attention, on va jouer. Top, c'est parti. Qu'est-ce qu'on offre cette semaine dans le Night Show? Des PS4 et des jeux Lego Dimensions. Question numéro 2, qu'est-ce que Lego Dimensions? 14 aventures inspirées des plus grands films. Exemple, Jurassic World, Ghostbusters, Batman, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Retour vers le futur et plein d'autres. Eh ben, dis donc, t'es forte, hein. J'ai gagné un truc? Non. C'est assez embarrassant. Tous les soirs, 22h minuit, here we go. Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Salut, c'est Bruno. Fun Radio, le son Dance Floor présente la compile Bruno dans la radio. La sélection de la famille avec Richard Orlinski et Eva Simons. En exclut le nouveau Martin Garrix, Maître Gims, Ken Jones, le nouveau The Chainsmokers. 60 tubes sur 3 CD, ils sont tous dans la compile de la famille avec Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Demain d'ailleurs, il y a Katoche qui vient à l'émission. Ouais, ouais. Elle vient avec des chocobons, j'espère. Non, elle vient avec moi. Oh là là, quel beau gosse, celui-là, sans déconner. Putain, sans déconner. Eh, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions à Katoche demain, 01 42 48 5000. Hein. Allez-y, un autre message, Alice. Un autre message d'Amandine. Je viens de commander un sextoy Lelo et j'ai eu 20% de réduction grâce à vous. Merci l'équipe, parce qu'en ce moment, on vous offre 20% de réduction. On vous a mis le lien sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à cliquer. Et avec le code LOVINFUN, bah voilà, 20% de réduction sur la gamme des produits Lelo. Allez-y, n'hésitez pas, hein. On vous enfile régulièrement, ils sont plutôt cool en plus chez Lelo, donc c'est pour ça on leur fait de la pub, on les aime bien. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On a Marine qui est avec nous, 25 ans de Clermont-Ferrand, et Romain, notre auditeur du soir, toujours là. Romain, ça va, Romain? Ah non, ça va plus. Ah, Romain, il est aux toilettes, il tire la chasse. Il est aux chiottes, le mec. Romain, t'as tiré la chasse là? Romain, t'as fait un gros caca? Ouais, ça va. C'est magique. Ah oui, Romain, il est au téléphone avec nous depuis 20h, donc forcément. Ah oui, mais attends, tu le coinces là. Il vit sa vie. Je suis désolé, Romain, je t'ai peut-être pris au mauvais moment. Ouais, un peu, mais c'est pas grave. D'accord, mais ça va mieux? Ah oui, ça va mieux là. D'accord, ça va, nickel. Ok, alors on va accueillir Marine. Quoi, qu'est-ce que ça va? Non, je veux rien savoir. Non. Tu m'inquiètes. Non, je me suis dit, la question que je vais poser, faut pas que je la pose. Tu vois, donc j'enchaîne. Oui. Marine, t'es là? Oui, je suis là. Salut Marine, je te présente Romain, c'est notre auditeur du soir. Salut. Enchantée. Alors, qu'est-ce que tu veux poser comme question, Marine? Bah, en fait, voilà, j'ai mon meilleur ami qui fait que me draguer. Enfin, j'ai l'impression qu'il me drague. Et un ami d'enfance, c'est mon meilleur ami d'enfance. Et j'ose pas. Je sais pas si je dois passer le pas à me mettre avec ou avoir une petite relation, un flirt. Je sais pas, je suis perdue. T'es amoureuse? Je suis amoureuse. De lui? Non, j'ai de l'amitié pour lui. T'es seule en ce moment? Oui, je suis seule. Donc finalement, mais t'aimes coup, bien. Oui, c'est. Oui. Ouais. Non, mais lui, là, c'est des messages tous les matins. C'est... Enfin, voilà. Tu sens qu'il y a de l'amour de son côté? Bah, il m'envoie des messages tous les matins pour savoir si je vais bien. Bon. Des messages de la journée. Si je suis malade, il m'emmène un petit repas à la maison. Quand même. Mais il a jamais pris ta main, il t'a pas embrassé, non? Non, mais bon, bah on fait des câlins, mais c'est enfin des câlins amicaux. Après, il va pas me faire des papouilles. Voilà. Ouais. C'est bizarre quand même comme relation. Bah, moi, je pense que si tu as vraiment de l'affection pour lui, il faut être rapidement très clair. Et si tu n'as pas envie de relation amoureuse, si tu dis bon, je suis seul depuis un certain temps, une petite relation comme ça. Il flore te pousser, pourquoi pas, tu vas lui faire du mal, parce que lui, en revanche, il est peut-être dans le champ du sentiment. Et ouais, après... Bah, ouais, ouais, Marie. C'est que je suis perdue, en fait. J'ai peur que si je tente quelque chose avec lui, mais parce que moi, ça casse tout, en fait. J'ai l'impression, en fait, Marine, que si tu tentes un truc avec lui, c'est pas parce que t'es amoureuse de lui, c'est plus parce que, voilà, t'es un peu seule en ce moment, et qu'un petit plan cul de temps en temps, ça pourrait pas faire de mal. Ouais, c'est pas faux, mais c'est bon, parce qu'il te court après, surtout. Il s'intéresse à c'est toi, il montre que t'es importante à ses yeux, tu vois. Ouais, ça fait du bien, J'entends que t'es pas du tout amoureuse de mais lui. Mais non. Ouais. Et que tu n'as pas envie plus que ça, mis à part un petit truc par-ci, par-là. Voilà. Donc il faut que tu sois très clair. Tu veux le garder comme ami ou pas? Ah bah oui. Alors il faut être rapidement clair. Ouais. Ou alors c'est une histoire d'amour, ce cas-là t'es ok. Ou alors, ce n'est pas une histoire d'amour, il faut que ça reste dans le champ de l'amitié, très clairement. Des témoignages, justement, sur ceux qui ont franchi le pas, ou pas d'ailleurs, on va le savoir. Ah, Arthur, t'es là? Ouais, je suis là. Salut Arthur, t'as 19 ans, t'es à Caen? Ouais, c'est ça. T'es déjà sorti avec ta meilleure amie? Alors ouais, moi c'était il y a quelques années déjà, on tournait autour avec ma meilleure amie, plus ou moins, jusqu'au moment où on a sauté le pas, on s'est embrassé, et au final on est resté 2 ans et demi ensemble. Ouais. C'était notre première histoire à tous les deux, et c'était top, quoi. D'accord, donc mais il n'y avait aucune ambiguïté avant de sauter le pas? Si, quand même, il y avait de l'ambiguïté de ouf, on se faisait tout le temps des câlins, on était tout le temps ensemble, on s'envoyait plein de messages tout le temps, enfin... Et pourquoi t'es plus avec? Pourquoi t'es plus avec? Parce qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre. Ah oui, ah bah ça c'est... ça arrive, voilà. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Elle a trouvé un nouveau meilleur ami. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. T'es fâché avec elle maintenant? Ah oui, on se parle plus du tout depuis. Voilà. Ah bah ouais, non mais de ça, de toute façon, après, hein, relation de couple, hein, c'est plus la même histoire. Hein. C'est ça, hein, avec un meilleur ami, tu peux continuer de discuter, t'en fous, quoi. Y a pas de cul, quoi. Romain, t'as 24 ans, t'es à Bordeaux. Salut, Romain. Salut. Salut à toi, Romain. Salut, Romain. Tu es sorti avec ta meilleure amie, toi? Moi, je suis là toujours avec. Ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, maintenant. Mais là, on te perd, t'es pas dans ton téléphone. Ouais, pas là, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux, là. Voilà. Donc, 8 ans, comment t'as franchi le pas? Bah, dans une soirée, au final. C'était pas ambigu du tout avant. Il y a une soirée, voilà, on avait un peu bu tous les deux. Ça a commencé à être un peu ambigu. Et le lendemain, voilà, on a décidé de franchir. Ça faisait combien de temps que tu étais ami avec elle? On s'est toujours plus ou moins connus. On s'est connus, on avait 3 ans, on est sortis ensemble. Oui, on a 16 ans. Donc... Ah oui, donc il y a eu des histoires plusieurs. Et maintenant, tu es toujours avec elle? Ouais. Et c'est la femme de ta vie? Ben, j'espère. Bah, mais j'espère aussi pour toi. Très bien. Non mais bien sûr, il y a des histoires qui peuvent fonctionner comme ça. Notre Romain, auditeur du soir, Romain, toi, t'es déjà sorti avec une fille ou pas, Romain? Ça fait longtemps. Ah, merde. Il a quel âge, Romain? Il a quand même 16 ans. Hein. Longtemps, ça fait quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Deuxième section de maternelle. presque. Est-ce que t'as une meilleure amie? Ouais. Est-ce que tu serais prêt? Enfin, c'est juste une relation amicale ou au contraire... parfois tu te dis c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu plus qu'une amie. Franchement, je sais pas trop. Je suis un peu dans le même truc, quoi. C'est-à-dire, vas-y, raconte. Je l'aime bien et tout. Puis, bon, j'ai l'impression qu'on se rapproche un peu de ça, mais je sais pas trop, quoi. Je sais pas si je la garde en meilleure amie ou si j'essaie de franchir pas au risque de la perdre, quoi. Ouais, donc c'est exactement la même chose pour toi, finalement. Hein. Ouais, mais bon. C'est prendre un risque, hein, Doc. Hein. Oui, c'est prendre un risque, surtout que toi, t'as 16 ans et t'as envie d'avoir des relations. C'est à peu près évident. Relation d'amour et peut-être autre chose aussi. Donc, voilà, tu te dis pourquoi pas. Ouais, mais bon, enfin, si ça marche pas, j'ai sur les boules, quoi. Il vaut mieux rester dans le champ de l'amitié et ne pas aller à droite à gauche parce que ça devient compliqué après. Alice, t'as déjà sauté le pas d'un ami qui est devenu plus qu'un ami? Non, parce que pour moi, mes amis, c'est vraiment des amis. Et je pense d'ailleurs que Marine ne devrait absolument pas sauter le pas avec son meilleur pote. Sûr. Parce que je trouve que ça se ressent que c'est que de l'amitié. Ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle est contente de se faire désirer par quelqu'un. Il s'avère que cette personne, c'est lui. Donc forcément, elle a envie d'aller plus loin. Mais je suis sûre que ça pourrait briser un truc. Et au final, tu resterais pas longtemps avec lui. C'est d'autant que je voudrais te prévenir un peu parce que lui, il est en train de rentrer dans ce jeu. Et qu'avec le temps, il va penser que ça fonctionne, puisque tu ne lui dis pas clairement les choses. Donc, il est en train de rentrer dans de t'aimer vraiment, de t'aimer, mais comme un homme, cette fois, pas comme un ami. Mmh. Et là, ça va être compliqué, de plus en plus compliqué, si tu ne mets pas un point d'arrêt. Johanna de Lyon, t'es là, Johanna? Oui. Salut. Salut, Johanna. Bonsoir, bienvenue dans la Vin Fun. Très contente de te parler. Johanna, ça fait plaisir. Raconte-nous, toi, est-ce que t'as franchi pas avec un meilleur ami? On était vachement proches aussi. On était vraiment de très très bons amis. Ouais. Depuis plusieurs années, ça faisait bien 4-5 ans. Et il a commencé à se rapprocher de moi. J'étais pas du tout dans ce petit club, alors pas du tout. Dans le délire, et, quoi, ouais. Je n'étais pas du tout là-dedans. Et quand j'ai vu qu'il se rapprochait de moi, qu'il a commencé à me faire des avances, donc à un moment donné, je me suis laissé tenter. Ah ouais, quand même. Au bout d'un moment, j'ai fini par céder. Mais alors c'est ça, on est sortis ensemble et en fait, il s'est avéré qu'il s'est rendu compte qu'il était homo. Ah, tu as dit un clic. Johanna l'a rendu homosexuel. Non, mais non, qu'est-ce non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a aidé à. Elle est trop drôle. Voilà. Vous avez couché ensemble quand même? Non, même pas en fait. Vous n'avez même pas couché ensemble. Mais en fait, il t'a dit quoi? Il t'a dit, alors finalement, ça m'intéresse pas les filles. Il a pas trop osé, quoi. Le problème, c'est que moi, j'ai commencé à m'attacher entre temps. Ah merde. Ça a duré quelques semaines, ça a duré quelques mois même. Donc moi, j'ai commencé à m'attacher de mon côté, donc il savait plus trop comment me dire la chose, il savait pas trop comment ça allait se passer. Il a été beaucoup, beaucoup hésitant. Et puis au final, il m'a dit qu'il était plus attiré par les hommes. Ça me fait un choc. On le sent encore ce choc, hein, Antoine. Dis-moi, ça t'a fait un choc, mais est-ce que vous êtes restés amis? Au début, non, j'en ai voulu pendant un moment. Ouais. J'en ai voulu. En plus, je suis quelqu'un d'assez rancunier, donc j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre. Mais après, j'ai mis l'eau dans mon vin et puis, il est revenu comme on était avant. Ouais, il est avec un mec. Un copain à moi en plus. Tu vois. Non, mais c'est bien que ça se passe comme ça, franchement. J'ai fait se présenter et puis maintenant, ils sont encore ensemble. Ça doit faire 7-8 ans maintenant. Merci beaucoup, Johanna, pour ce témoignage. Comme quoi, tout peut t'arriver, hein, clairement. Ah, hein. T'es toujours célibataire, là? Non, moi, je suis mariée. Ah, d'accord, très bien. Désolé, Doc, tu pourras pas la draguer. On a bien compris ta question, Doc. Bouge pas une oreille, je t'ai déjà dit. Quel couillon, celui-là. Quel que tard, celui-là. Il veut pas du tout se les taper. Certainement pas. Sûrement pas. Johanna, merci beaucoup. C'est marrant, comme les mecs. T'as vu un peu? Il est comme ça. Moi, je suis fidèle et droit. Ta réaction, on dit long, Doc. 01 42 48 5000 dans un instant. La question de l'internat sur Fun Radio. On sera en direct d'un internat. Vous allez entendre Tom. Tom, 17 ans de Bayonne. T'es là, Tom? Oui. Hey, Tom, t'es chaud? Ouais, Tom, on est chaud, là. Ouais, on écoute la radio, là. On écoute Cachemire sur Fun Radio. Smir sur Fun Radio. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. On file tout de suite en direct de l'internat René Cassin à Bayonne. C'est la question de l'internat. Bonsoir Tom. Salut. Salut Tom. Tom. Oui, salut. Salut Tom. Ça va? Eh ben, écoutez au téléphone, les gars, pas à la radio, hein. Tom, t'es où là? T'es à l'internat? Oui, je suis à l'internat. T'es avec tous tes potes? Oui. On les entend pas. On les entend pas? Non. Voilà, peu d'ambiance, bordel. Ok, dis-leur de fermer leur gueule maintenant. Tom, c'est quoi la question? Combien de doigts on peut mettre dans une chatte? Oh non, oh, sans déconner. Oh. C'est quoi ça? La tête du doc à la question. Non, mais non, les gars, merde, putain, sans déconner. Surtout qu'ils n'ont jamais dû faire ça de leur vie. Non, mais déjà, essayez de mettre votre engin, hein, ce serait déjà pas mal. Hein, pour commencer. Soyez délicat avec les filles, si vous mettez votre doigt, c'est pour lui donner du plaisir. C'est pas pour faire une performance. Voilà. Les gars, vous êtes encore puceaux ou pas? Bah oui. Jimmy, oui. Après le reste. J'aime bien parce qu'il balance son pote et tout, quoi, sans déconner. Vous voulez que je vous passe Jimmy? Vas-y, passe-le nous. Ouais. Allez, salut. Allô? Salut, oui. c'est toi le puceau de la bande? Ouais. D'accord. Jimmy, on va t'envoyer des capotes, d'accord? Ok, merci, tu rigoles. Distribution de capotes, je déconne pas. On vous envoie ça là, à l'internat. On vous fait des gros bisous, l'internat. Allez, tu rigoles, frère. Salut les potos, et je remercie notre auditeur du soir, Romain, 16 ans de cœur, t'as été parfait Romain, et tu nous as fait vivre un moment magique quand tu étais dans tes toilettes. C'était magnifique. Romain, tu nous entends? Oui, il est à nouveau aux chiottes, oui, bon. Ouais, t'es en train de te brosser les dents là? Ouais. Ok, d'accord. Okay, ouais, il est magique. Ouais. Il brosse un petit peu, mais on sait pas quoi. Romain, t'es magique, je vais t'envoyer un cadeau, c'est promis. Je te fais une grosse bise, mon Romain. Salut Romain. Bye, bise à tout le monde. Salut Romain qui se brosse les dents, qui fait caca pendant l'émission. C'est ça aussi la vie de Love in Fun. On va retrouver Marion et Anso. Nous, on va se retrouver dès demain sur Fun Radio. Salut les filles. Bonsoir les filles. Salut. Hey, salut loser. Oh non, elle est dure. Oh putain. Ouais, t'as perdu. Attends. Bon, ok, on va en parler. On en parle. Hier, j'ai fait le beau gosse. J'ai dit que j'étais un bon joueur meilleur, de FIFA. Ouais. Le meilleur après quelqu'un. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait le tournoi organisé par Mario Anso, tout ça. J'ai participé au tournoi. Il se trouve que j'ai perdu le seul match que j'ai joué face au gagnant. Oui, c'était FIFA 17. Du tournoi. Ouais. Voilà, donc c'est comme si j'avais été en finale, finalement, et j'ai perdu contre le grand gagnant. Ouais, mais on est déçus. Et du coup, en plus, si lui n'avait pas gagné, t'aurais pu être peut-être le potentiel gagnant. Tu vois? Bravo. Ouais. Merci. Alors, je tiens également à souligner... Oui, enfin, il a perdu. Hein. Je tiens également à souligner qu'il y a une espèce d'arnaque dans votre équipe qui organise des tournois et qui ne participe pas au tournoi. Oui, mais lui, il est bon, tu vois, il assume. Amir, c'est quoi cette histoire? J'ai pas envie de tous les ridiculiser. Ah, mais quel enfoiré. Non, mais je vais faire un duel avec Karel sur PC. Ok, alors c'est ce qu'on va faire. Non, mais tu sais quoi, on va organiser notre propre tournoi et on va voir qui sera le meilleur, mon pote. Il va être vachement sympa votre tournoi à deux. Non, mais là, j'y avais pas joué depuis 5 ans, je vais m'entraîner. D'accord, ok. Allez, ça marche. On prévoit ça. Bonne émission, les filles, ciao. Un jour, les deux inventeurs du Night Show eurent une terrible dispute. Elles séparèrent donc leur vocabulaire en deux styles distincts. Chez Franche Brune, on dit... Ils ont déjà vécu ça, alors pas forcément avec un musicien tatoué. Oui, j'ai dit tatoué. Chez Franche Blonde, on dit... Attends, mais c'est la frère ou de qui? La sœur. La Franche Brune respecte les auditeurs. J'ai une petite anecdote vous concernant. Oh putain, ça va être long cette histoire. La Franche Blonde, elle, bafouille au lancement du disque. Puis Amir, qui sera notre invité d'ailleurs mercredi soir. Excuse-moi, tu vas mettre les mots dans l'ordre ou pas? Aujourd'hui, elle ne partage plus rien, sauf un homme sourcil et une émission. Goûtez les deux et faites votre choix dans... The Night Show. The Night Show. C'est du dimanche au jeudi, 22h minuit, sur Fun Radio. On est là, bonsoir tout le monde, c'est Marion et Anso, 22h03, nous sommes en direct. Et bien comme chaque soir, puisque nous faisons partie de ces émissions en direct tout le temps, oui. Du dimanche au jeudi, 22h minuit, et c'est un kiff de passer nos soirées avec vous. On espère évidemment que vous avez passé un bon mercredi. Nous, oui, on va tout vous raconter, mais on a passé une journée bien sympa. Oui, c'est vrai. Bah, on a fait ce qu'on vous disait avec Karel, cette opération gaming sur FIFA 17 avec toute l'équipe de Fun Radio. Et on s'est bien marré, c'est vrai. Ouais, alors évidemment, nous, avec Anso, on était un peu les MC, quoi. Hein. On était là pour supporter les garçons, lancer les tournois, tout ça. On n'a pas vraiment joué. Non, on a pas joué du tout. Voilà. Mais c'était sympa. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. C'est donc Martial qui a gagné. Oui, bravo Martial. Martial qui est reparti avec son pack Scuff et ses codes Allo Paradise. Merci à eux. Franchement, c'est cool. Alors normalement, ils vont les redistribuer à des auditeurs ce JB, je crois. Oui, normalement. Hein, mais attends, hein, parce qu'on n'est pas sûr. Il n'est pas à l'abri de les garder. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il a déjà tout passé à JB. Oui, mais est-ce que JB va pas les garder pour lui? Si. Ah oui, d'accord. C'est ça, parce que j'ai vu JB partir avec 2-3 doses de la radio tout à l'heure. Ouais. Ah, mais non, en même temps, elles sont tellement kiffantes, les manettes. Mais vous inquiétez pas, on en a beaucoup en stock. Nous, on va vous en offrir, il n'y a pas de souci. Ouais. Évidemment. Et puis ce soir, on va recevoir les Twins dans l'émission. Ces jumeaux qui dansent avec les plus grandes stars du monde. Ils seront avec nous. Et ils seront surtout aussi à la Danone Nation Cup le 16 octobre au Stade de France. Oui, c'est bien. Et ça va être cool. Et puis dans l'émission, on aura aussi Jonathan. Alors Jonathan, lui, il veut des conseils pour faire de la télé. Donc si vous en avez pour lui, bah vous nous appelez 01 42 48 5000. Yes. Le numéro est totalement gratuit, donc si vous voulez parler de ce que vous voulez, eh bien vous êtes les bienvenus mes petits chats. Évidemment, on parlera cul aussi en fin d'émission, comme chaque évidemment. Soir. Pour le son, on va s'écouter Souffle tout à l'heure. Mais un coup de pas. Ça fait longtemps qu'il est pas venu. Lui. Ouais. Mais un coup de pas. On aura aussi Calvin Harris. You are the one thing in my way. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, Calvin, non? Ouais. Oh, j'adore ça. Moi aussi. Et je crois que j'aime Calvin Harris tout court, en fait. Hein. Mais ça, tu vois, je l'écoute le matin dans ma douche. Et je me sens bien après. Mais c'est super, Samir, dis donc. J'ai envie de. Non, mais ça va, la musique et tout, mais... ça fait partie de mon sang. Mais vous trouvez pas que Calvin Harris, même s'il nous jouait un pauvre morceau de flûte, ce serait génial? Oui, il peut tout faire. Ouais. Tu sais, il transforme de la merde en or. C'est ce genre-là. Bah si. Mais écoute, Calvin, prends ce slogan pour tes prochaines albums. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Salut Marion, salut Anso. Ça va toi? Bien, bien, bien. Et vous les filles? Ouais, bah journée au calme, opération gaming, tout ça, c'était bien. Ah, c'était cool, hein? Grave. Ouais. Bon, bah nous, on n'a pas joué, hein, mais. Bah, alors, moi non plus, hein, je l'ai dit avec Karel, j'ai pas joué. Mais c'est hyper kiffant et j'ai balancé plein de snaps sur le snap Marion et Anso. Et il y a plein d'auditeurs qui aimeraient tellement participer. Ouais. Et je me suis dit que bah, du coup, on pourrait peut-être faire gagner bientôt des auditeurs à venir à Paris pour faire une opération gaming. Ah oui, ouais, mais avec un artiste, non? Ou un youtubeur? Oui. Bah oui, faut qu'on fasse la totale. On va se faire une grosse opération gaming, là c'est promis, faut juste qu'on cale la date et qu'on trouve un artiste ou un youtubeur. Oh, on va trouver. Mais oui, en général, ils disent tous oui, ils sont hyper chauds là-dessus. Mais ouais, on a déjà eu Wartek, Ritza, franchement, ça va bien se passer. Bon, hashtag le night show pour communiquer avec toi, Amir, toute la soirée. Ouais, je vais bien me connecter ce soir, je suis dessus. Hein. Ça marche. Bonsoir Thibaut à l'area. Coucou les filles. Ça va toi? Ouais, ça va. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue un jour qu'on m'a dit, c'est genre il faut toujours suivre ses rêves. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je vous suis. Oh, ben... Tu veux dire qu'on est, un rêve pour toi? Ouais, un rêve qui est en train de se réaliser, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Tu sais que, je vous explique, vous là qui nous écoutez, il ose pas nous regarder dans les yeux quand il dit ces phrases. Ouais, il regarde dans l'air, c'est trop mignon. Mais je pense que le jour où il nous regardera dans les yeux, il sera vraiment amoureux de nous, je crois. Ah, bah c'est sûr. Ouais. Ouais, bonsoir Enzo du Standard. Salut les filles, bonsoir tout le monde. Ça va toi? Ça va, je suis hyper content, j'ai commencé mes cours de moto ce matin. Ah oui, c'est vrai. C'est voilà. Vrai que tu veux passer ton permis. Ouais, d'ailleurs j'embrasse mon moniteur qui s'appelle Hakim. Il écoute? Ouais, il écoute, il m'a dit qu'il écouterait ce soir. Toi, tu veux une ristourne? Voilà. Il quelques heures gratuites. Hakim, essaie de nous faire passer ça, il a pas beaucoup d'argent le petit. Hein. Voilà, merci. Il est en galère. Présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Alors, c'est Hélène, elle a 27 ans, elle habite à Lyon et elle a un petit coup de gueule à passer, les filles. Oh, d'accord. Alors, oui. Tu veux dire qu'Hélène de Lyon est ronchonchon? Ah ouais, elle est vénère. Oh bah dis donc, alors oh, ouais. Bonsoir Hélène, qu'est-ce qui se passe, Dadou? Coucou les filles, ouais, je suis ronchonchon ce soir. Voilà. Je suis ronchonchon parce que j'en ai un ras-le-bol. Donc mon coup de gueule, c'est sur les réseaux sociaux, justement, les invitations à gogo pour les charmeuses, je sais pas quoi, les Candy Crush. Envoie-moi des vies, envoie-moi 3 déplacements. Enfin, ça, j'en ai juste ras-le-bol. Mais moi, je te dis vraiment, bravo, quoi. On est d'accord. Bravo. Alors ça, c'est un vrai combat. Oh Hélène, je t'aime. Non, mais c'est surtout Hélène, tu as raison. Moi, je reçois également ce genre de truc par mes amis, hein. Et ben du coup, tu peux à côté, quand t'es dans les notifications, t'as un petit truc, une espèce de petit rond, mm-hmm. qui te permet de d'arrêter les envois en fait. Ah d'accord. Tu bloques l'application et comme ça, tu ne reçois plus aucune demande. Ou sinon, tu demandes à tes amis d'arrêter. Oui. Non, mais ça ils le font pas. Ou alors. Non mais ou alors tu t'enlèves de Facebook Hélène. Hein, ah non ça c'est pas possible. C'est un peu radical. Non, c'est pas possible. Mais le pire c'est que les gens osent me dire ah non je te jure je l'ai pas envoyé. Hein. Oui, mais c'est automatique parfois. C'est pénible. Plus qu'automatique, c'est pénible. Mais non, mais tu verras, Hélène, va dans tes notifications et tu verras, il y a une petite croix. Et tu enlèves les notifications de ce truc. Mais dis-moi, j'ai l'impression que c'est un premier problème résolu ce soir. Oui, tu sais pourquoi? Car j'ai suffisamment des amis de merde qui m'envoient les mêmes choses qu'Hélène. Bon, Hélène, merci de nous avoir appelés. On te fait des bisous. Bonne soirée. Ouais, moi aussi, gros bisous. À bientôt. Salut. Bisous, ma belle. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale des enseignants? Oui, madame. Oui, des professeurs. Et donc, du coup, on a envie que vous nous racontiez la pire crasse que vous ayez pu faire à un prof ou... Au contraire, connaître le plus beau cadeau que vous ayez pu offrir à un prof. Oui, parce que ça arrive de faire des cadeaux à des profs. Toi, t'as une bonne tête de faillotte, t'as dû offrir du cadeau, toi. Complètement. 01 42 48 5000, hashtag le Night Show. On fait de la radio ensemble et tout de suite, c'est Sound of Legend sur Fun.